Nous sommes à l'antenne. Eh bien, bonjour. Bonjour, salut. Bonsoir à tous. Salut, salut. Salut, salut. Et bienvenue dans le 4 quarts. Le 4 quarts, ça passe à l'heure du goûter ou de l'apéro. C'est selon si vous êtes des personnes de mauvaise vie comme nous. Pour passer ce bon et délicieux moment, on vous propose le 4 quarts. Le 4 quarts parce qu'on est 4 autour de la table pour vous proposer une table ronde sympa. On va essayer. On va essayer que ce soit sympa et la table est relativement ronde. Tout dépend de vos notions de géométrie. avec à manger et à boire. Mais quand je dis à manger et à boire, chacun va amener ce qu'il veut dire et on en discute posément, de préférence dans la joie et la bonne humeur. Et pour m'accompagner dans cette expérience franchement sympathique par avance, je l'espère. Hakim, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir, effectivement. Je ne sais pas à quelle heure les gens vont écouter. C'est on verra ça plus tard. Oui, on verra ça plus tard. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Bah, ça va très bien. Alors, quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? De quoi je balance ça comme bah ça. Bah oui, direct. Okay, c'est l'appéritif, donc il faut mettre les gens en appétit, tu vois. Ok, d'accord. Moi, je vais vous poser des questions sur vos pratiques musicales. Oh. Parce que chose qui n'a pas été encore dite, c'est que là, il y a sur 4, il y a 3 musiciens autour de la table. C'est donc je vais en profiter pour poser des questions à la con. Ouh, ça fout un peu les jetons, dis donc. Ouais. Bataille. Un peu mal à l'aise. Fais moins le malin. Ouais, c'est vrai, effectivement, je ne m'attendais pas vraiment à celle-là, mais c'est pas grave, puisque je passe la parole à Paul. Mal. Salut Paul. Bonjour. Alors, de quoi vas-tu nous chanter, nous parler aujourd'hui ? Eh bah, bien, moi, je pense que tout d'abord, je vais discuter avec Ali. Et oui. Je vais vous parler ensuite de rockabilly, c'est une musique que j'adore. Et puis on va écouter quelques sons, on va essayer de vous emmener dans cette musique qui me fait kiffer, qui nous fait tout ce qu'il fait autour de cette table, j'imagine. Qui nous fait vibrer, voilà. Qui nous fait slapper. Exactement. C'est magnifique. Il y a de la contrebasse, il y a du petit cato, il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est mortel. Ça fait plein de termes techniques que tu nous expliqueras tout à l'heure, j'ose espérer. Hein, si j'en ai envie, c'est... déjà. Ah, Le type est autoritaire, déjà. Le type impose ses conditions. Et du coup, tu as commencé à introduire notre invité du jour. C'est vrai, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vrai que j'aurais pas dû. Je vais me désolidariser tout de suite de cette vanne. Voilà, ça c'est dit. Putain, tout de suite. Il y avait pas de vanne. Ouais. Avant 5 minutes, les blagues. Avant 5 minutes, à combien là ? Il y a vanne parce que tu le veux bien, Hakim. Parce que je le veux bien. Et du coup, Paul, je vais te laisser officier. Directement. Oui, pour présenter notre invité. D'accord. Bonjour Ali. Bonjour Paul. Alors, on a pris le parti tout à l'heure en discutant un petit peu de commencer à vraiment se parler à partir de maintenant. On se connaît pas du tout tous les deux. Non, c'est vrai. Et alors moi, je sais que tu es musicienne. Oui. Ça, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Alors, principalement, je suis chanteuse. Ok. Et je pratique la basse aussi. Ok. Bassiste et chanteuse. Voilà, donc en sachant que... Alors, je ne vous cache pas qu'on m'a plus souvent pris pour mes talents de chanteuse que pour mes talents de bassiste. J'ai appris la basse tardivement, j'ai laissé tomber, j'ai repris. Sauf que le chant, lui, il a toujours été là. Il a toujours été là. Voilà. Ça fait combien de temps que tu chantes ? Alors, ça c'est la question un peu bâtard, si je peux me permettre. Merci, parce que... ça fait plaisir. Mais je t'en prie. Il mérite que ça. Alors, il faut savoir que le chant, je pense qu'aussi loin que je me souvienne, il faudrait que ma mère soit là pour témoigner, mais depuis toute gamine, en fait, je chante. Je ne saurais pas te dire depuis quel âge, mais en tout cas, dans les groupes, ça a commencé l'âge de 15-16 ans. Mon premier groupe, il s'appelait Second Sight, c'était un groupe de métal. Ok, tu as commencé par le métal. Ouais, j'ai commencé par le métal. Mais toute petite, vraiment toute petite. Elle hurlait comme ça. J'étais petite comme ça. Alors bon, là, ils ne vont pas voir. Mais... Et tu avais quel âge quand tu avais ce groupe de métal ? J'avais, je ne sais pas, peut-être... 15-16 ans. Bon, après, on répétait au fort, vraiment, histoire de... Pour rigoler, je pense qu'aujourd'hui, les musiciens du Havre ont tous connu le fort de Tourneville. Ah oui, c'est vrai. On répétait pour 3 francs 6 sous. Ah non, je connais pas, c'est où ça On se souvient tous de Mathieu, Alors, à l'époque, de ces gens-là. À l'époque, c'était quoi comme... Parce que moi, je suis pas du Havre, et j'imagine que c'était pas le Sonic ou le Tetris. Ah non, non, non, absolument Qu'est-ce que c'était à l'époque ? C'était des studios de répétition. Qui se trouve justement là où aujourd'hui est le Sonic. C'était vraiment dans des lieux bon, assez underground, quoi. Il faut dire ce qu'il est. Hein. Bon, c'était fallait que... petit, effectivement. C'était à l'arrache. Il fallait qu'on se démerde pour le matos. Le matos, pas forcément de bonne cam. Mais c'était une ambiance très conviviale, très peu chère, ce qui permettait aussi aux jeunes étudiants comme moi de pouvoir se payer une heure ou deux de répète, quoi. Et puis, bah, toujours super bien accueilli. Et puis, voilà, c'était comme à la maison, en fait. C'était vraiment cool. Et même quand tu n'étais pas musicien, en plus, quand tu passais avec tes copains musiciens pour regarder leurs répètes, bah, tu croisais du monde, tu croisais d'autres groupes, tu entendais d'autres choses. C'était un lieu de rencontre. Ah ouais, oui, c'était vraiment bien. Ouais. C'était vraiment sympa. Est-ce que y avait un lieu de vie, hormis les box de répétition, est-ce qu'il y avait vraiment, comme tu sembles décrire, Hakim, un lieu où les gens pouvaient se rencontrer, même pas forcément parce qu'ils pratiquaient de la musique? Est-ce que les gens pouvaient boire un coup, discuter de choses non, et d'autres? Non, il n'y avait pas de cette partie, enfin, il n'y avait pas de bar à proprement dit ou de salon sur lequel on pouvait se réunir. Il n'y avait pas ça. Mais par contre, c'est vrai que les jeunes, même sans pratiquer d'instrument ou autre, ils venaient voir leur groupe sympa du moment qui répétait. Donc, ils se rendaient en salle 2, en salle 3, et puis ils s'installaient, ils s'asseyaient, puis ils écoutaient. Puis toujours des gens très respectueux. Bon, il faut dire aussi qu'on s'amusait à manger sur place, alors chose qui n'était absolument pas tolérée. On mangeait sur place, on buvait des bières. Donc d'accord. Donc c'était vraiment, c'était limite, enfin c'était le squat musical. Exactement. Et c'était exactement. Ouais. Et du coup c'était ce qui était attractif là-dedans. Quoi. Voilà. C'était un peu l'idée, ouais, effectivement. Ouais. D'ailleurs, je me souviens d'une fois où j'y suis allé, où je suis allé voir, je crois que c'était Madiba. Qui répétait. Oui, effectivement, ouais. Et qui répétait dans un tout petit box. Donc Madiba, c'est un groupe de reggae. Les mecs, ils sont 28 là-dedans. Ils sont géniaux. Et puis ça fait du reggae. Donc les mecs, ils sautent dans tous les sens, ça bouge. Je suis arrivé là-dedans, j'ai écouté deux morceaux. C'était dur à vivre. C'était très sympathique, mais il faisait chaud, vraiment. Très, très chaud, ouais. Voilà, je vois ce que tu veux dire. C'était un peu squat. Ouais, ouais. Mais c'était ça aussi qui était intéressant. C'est que c'est là-dedans que se crée beaucoup de musique aussi, tu vois. Donc, non, c'était très bien. Ok. Bon, bah, super. Bah, en même temps, on a à peu près la même chose maintenant. Au Fort de Tourneville, on a le Sonic, c'est là qu'on fait notre formation tous les trois. D'ailleurs, big up à tout le monde. Ouais, des boujoux. Salut les bisous. Bisous, ouais. Gros bisous même à vous. On pense fort à vous parce que si on a eu l'idée du 4 quarts, c'est aussi grâce à la formation. Voilà, c'est vrai. En partie grâce à ça, même si c'est quelque chose qui germait depuis longtemps, c'est ce qui nous a motivés. Et donc, rien que pour ça, bah, c'est cool. Bah, c'est ce qui permet qu'on le fasse déjà tous ensemble à ce moment précis. Qu'on sache le faire. Ouais, déjà, ouais. C'est qui les sondiers. Exactement. C'est qui les sondiers. Et bah, c'est pas nous. dis-moi, bah, écoutez, on peut peut-être commencer en attendant l'intervention d'Hakim qui tremble, je le vois. Absolument pas. Est-ce qu'on pourrait s'envoyer un petit peu de son histoire de se mettre dans l'ambiance, ce serait pas mal. Dis donc, Hakim, est-ce que tu pourrais nous présenter le morceau que tu aimerais diffuser, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, c'est un morceau que j'ai retrouvé il y a pas longtemps, que j'adorais quand j'étais gamin, mais à vrai dire, je savais pas trop ce que c'était. C'était dans la BO d'un film, je sais pas si vous vous souvenez de ce film-là, Space Jam. Oh bah oui, bien sûr, avec Michael Jordan. Avec oui. Michael Jordan et Bugs Bunny. Et Bugs Bunny. Je suis le seul à ne pas connaître. D'accord, et bah tu regarderas ça, s'il te plaît, parce Space que c'est Jam. Juste... C'est un espèce de Roger Rabbit en moins bien fait, d'accord. Mais il y a Michael Jordan et Bugs Bunny, donc ça tue. T'es un peu jeune, mais on t'en veut pas, c'est pas grave. Oh, tout de suite. Ah bah, mais tu vas rattraper ton... Faut dire ce qu'il est. Forcément, je suis obligé de toute façon. Ouais, bah il en faut bien. et voilà, donc c'est un morceau en fait que j'ai découvert dans cette BO là, mais en fait c'était une reprise par Barry White d'un morceau. En fait, Continue. Et en fait, je me suis aperçu que c'était un morceau. Alors je sais pas si c'est une série ou si c'était juste un clip, un morceau d'un animé, genre un générique, un truc comme ça, qui est fait par Shi Shi Chong. Je sais pas si vous connaissez Shi Shi Chong. Ça sonne comme le début d'une blague un peu, mais... Bah, en fait, c'est un peu ça. C'est ces deux comédiens américains qui ont beaucoup cartonné, notamment grâce à leur film sur la fumette. D'accord. Pour rester correct. Et en fait, c'est un son qui vient d'eux et c'est un morceau que j'adore, que j'ai retrouvé il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Et je me bute à ça en ce moment et c'est très, très bien. Ok, Dak. Bah, ça s'appelle Basketball Jones, pour le coup. Basketball Jones. Eh bien, écoute, on va s'écouter ça. Et puis, merci à ceux qui nous rejoignent d'écouter le 4 quarts. On vous souhaite un bon goûter et un bon apéro. Enfin, tout dépend de l'heure à laquelle vous buvez de l'alcool ou pas. Tout simplement. Ever since I was a little baby, I always be dribbling. In fact, I was the baddest dribbler in the whole neighborhood. Then one day, my mama bought me a basketball, and I love that basketball. I took that basketball with me everywhere I went. That basketball was like a basketball to me. I need someone to stand beside me. I need someone to set a pick for me at the free throw line of life. Someone I can pass to. Someone to hit the open man on to give him go and not end up in the popcorn machine. So cheerleaders, help me out. Merci Hakim pour cette découverte, dis donc. Mais de rien, c'est toujours un plaisir. Et pourquoi t'as choisi ce morceau du coup ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors en fait, ce morceau... Ok, donc il faut que je refasse tout en fait. Je sais pas. C'était une question de Paul en oui, fait. Oui, mais... en fait. Ah, okay, d'accord. Non, mais c'est vrai que en fait, Paul, t'avais pas capté pourquoi je mettais ce morceau-là. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que c'est parce que ça pensait un truc ou... D'accord. Moi, je pensais que t'avais eu un souci. Ah non, que dalle. Ok, donc en fait, j'ai choisi ce morceau parce que je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. C'est un morceau de la BO de Space Jam que j'adorais quand j'étais gamin, que j'avais pas réentendu depuis super longtemps, et je me suis dit, ah, faut que je réécoute ce morceau. Et en le cherchant, en fait, j'ai capté que c'était une reprise. Et donc, du coup, je suis allé chercher, c'est la reprise de quoi. Et voilà, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je suis beaucoup trop fan des chœurs de ce morceau. Et je n'écoute que ça en ce moment. C'est d'accord. Vrai que c'est entendable, parce que c'est vrai que les chants sont très jolis. C'est très très bien, ouais. C'est très très bien, c'est simple et c'est efficace, quoi. Donc voilà, amis auditeurs, vous vous rendez compte qu'en fait on ne s'écoute pas du tout depuis le début. C'est ça, donc c'est génial. On espère que vous écoutez à notre place. pardon. Ok, Paul, est-ce que ça te convient, la présentation, l'échange que tu viens d'avoir avec Ali? Je suis très content, ouais. On va en reparler plus tard, mais là on va laisser la place à Hakim. Eh bien écoute, merci d'avoir fait le lancement à ma place, Paul, mec, c'est adorable. Voilà, désolé, le donc, mec prend beaucoup de place. Donc, Hakim, apparemment tu as envie de poser des questions aux personnes qui t'entourent. C'est ça, j'ai envie de poser... des questions du coup aux trois musiciens, comme je disais tout à l'heure, qu'on a autour de la table, parce que bah, pour ma part, moi j'ai une très très grande frustration. En tant qu'enfant, que adolescent, que adulte, j'ai jamais eu de pratique musicale, j'ai jamais demandé à mes parents, moi je veux faire de la guitare, moi je veux faire du piano. Ado, j'ai jamais réussi à me mettre à la gratte, j'ai réessayé adulte, je suis pas du genre très bosseur. Donc du coup, vu qu'on a on a Paul qui joue de la batterie, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, ouais. C'est ça. Nous avons Étienne qui joue de la guitare et qui chante. Tout à fait. Et Ali, comme on a dit tout à l'heure, qui joue de la basse et qui chante. Exact. Du coup, moi j'ai une première question en fait à vous poser. À quel moment vous avez commencé la musique vraiment? Vous avez pris votre premier cours? C'est quoi votre souvenir à peu près? À quel âge vous avez commencé à prendre ça un peu au sérieux et vous dire j'ai envie d'apprendre ça? Alors moi je propose que Ali commence à répondre. À tout seigneur, tout honneur. Et merci. Honneur aux dames. Oui, donc après comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai mon premier groupe à l'adolescence, quoi, on va dire. Mais là où je me suis vraiment affirmée, où je me suis dit voilà, je veux vraiment... faire ça, je dirais pas au quotidien, parce que je me suis très vite aperçue que vivre de ça, c'était un peu complexe, un petit peu rêveur. Ouais. Ça a été vraiment vers l'âge de 20 ans. D'accord. Où là, j'ai eu un groupe où je me suis mis sérieusement au chant. D'accord. J'ai jamais pris de cours de chant, j'ai jamais eu de cours en particulier. Alors, hein, donc, c'est parce que tu n'en avais pas envie ou c'est pour une autre raison? Bah, tout simplement parce qu'au départ, j'étais une jeune fille qui n'avait pas forcément confiance en elle. D'accord. Et puis, quand j'ai commencé la musique, ça m'a vachement aidée. Ça m'a vachement aidée à prendre confiance en moi. Et c'est vrai que je me suis aperçue que sur scène, je me lâchais, mais vraiment, vraiment plus. D'accord. Et je n'avais pas cette appréhension des gens, de qu'est-ce qu'ils pensent. Donc, tu ne t'es pas posé la question de prendre des cours ou pas? Absolument fallait pas. Que tu le fasses, quoi. Ouais, okay. Voilà. Et puis, les gens, j'avais en général de bons retours. Donc, de là, je me suis dit, bon, bah, c'est cool. Donc, je continue bien. Comme ça. Et du coup, tu as commencé la basse au même moment ou Non, j'ai commencé la basse plus tardivement et grâce à mon petit copain de l'époque. D'accord. Qui m'avait offert à l'époque une superbe Stag noire mat. C'est sympa. La classe. C'est sympathique. Voilà, voilà. C'est un super cadeau, en fait. Alors, ouais, est-ce que ce cadeau est validé par Paul du Ah, coup il est validé par Paul. un instrument de musique, c'est Stag est une marque qui n'existe plus depuis au moins 1912. Mais, mais ça marche bien, ça marche bien. Je l'ai encore, d'ailleurs. Ok. C'est bien. Et ouais, donc. Et oui, bah, c'est bien. Bien. Voilà. Et bah, c'est bien. Super. C'était le 4 quarts. C'était le... Merci, bon, bonsoir. Merci de nous avoir suivis. C'était la première, mais aussi la dernière. Ouais, donc, d'accord. Pour répondre à tes questions, oui, je m'y suis mise tardivement, mais je m'y suis mise sérieusement pendant un an. J'ai arrêté. Et puis, de temps en temps, ça m'arrivait de gratouiller dessus, quoi. Puis, comme je disais tout à l'heure à Paul. C'est vrai que mes talents de chanteuse étaient plus mis en avant que mes talents de bassiste, hein, donc il faut dire ce qu'il est. Donc tu es plus allée vers le chant. Je suis plus allée vers le chant et okay. On m'a rappelé après, on expliquera peut-être ça un peu plus tard. D'accord, très bien. Groupes. Du coup, vous les gars, à quel moment vous y êtes mis sérieusement? D'accord, donc Paul veut que je commence par répondre. Comment je me suis mis sérieusement à la musique? Alors moi j'ai commencé, c'est mieux quand on parle devant le micro quand même. Ouais, alors il va peut-être falloir que tu commences la musique, vraiment. C'est vrai, oui c'est vrai. Moi j'ai commencé la musique au collège par le piano. C'est un instrument qui est quand même très particulier et qui est virtuose en fait quelque part. Alors qu'est-ce que tu appelles un instrument virtuose? Enfin, qui en tout cas renvoie cette image virtuose, vraiment. Élitiste peut-être. Ouais, okay. D'une certaine manière. Non, je sais pas. Non, mais je sais pas si je peux te dire vraiment. Je me suis dit, je vais me mettre à cet instrument parce que c'est. C'était pas pour ça. Non, c'était. Je sais pas. C'est. C'est comme quand t'es môme et tu fantasmes sur l'envie de conduire, tu vois. Ouais. T'as envie de, c'est un bel objet, de piloter un truc qui te dépasse un peu. Et le piano, c'est super parce que t'as quand même une énorme... beaucoup de possibilités en fait sur un piano. C'est un instrument à percussion, mais qui a une plage qui peut aller du grave à de l'extrême grave à l'extrême aigu. Ouais. C'est, je sais pas. C'était attirant à ce moment-là. C'est ça, ouais. Est-ce que peut-être t'entendais du piano chez toi? Est-ce que, je sais pas, peut-être que tes parents écoutaient aussi du piano? Pas particulièrement. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé, j'étais très copain avec quelqu'un qui est pianiste professionnel aujourd'hui. D'accord. Qui s'appelle Valentin Barret, avec qui je passais beaucoup de temps, qui habitait, parce que je suis de Fécamp et qui habitait à Saint-Léonard, qui est le bled juste à côté. Nos parents étaient très amis l'un et l'autre, donc on se voyait souvent. Et Valentin, donc, du coup, est devenu... était très bon, forcément. Aujourd'hui, c'est son métier. En fait, il est musicien professionnel, il est pianiste. Okay. Il compose pour lui, et puis voilà, il est pianiste, quoi. C'est vraiment son boulot. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça me fascinait de voir son aisance qui, naturellement, l'a mené à travailler dans ce domaine. Voilà. Et j'ai commencé par ça, et très vite, ça m'a agacé parce que je sais pas. Je faisais d'autres choses en fait, je faisais du skateboard. C'est con, non mais c'est idiot, mais je pouvais pas mener tout de front. Et j'aimais beaucoup cette autre activité-là. Je suis revenu à la musique, donc j'ai arrêté de jouer du piano aux alentours de 14 ans. Pour resituer, tu as commencé le piano à quel âge ? À 11 ans. D'accord. De mémoire, j'ai de 11 à 14 ans. Très bien. J'ai arrêté parce que voilà, je voulais faire d'autres choses de mes après-midi. Ouais. Et j'ai repris la musique en apprenant la guitare tout seul, aux alentours de 17 ans, pour apprendre des chansons pour le boulot, parce que je passais mon BAFA. Ouais. C'est pas une blague. C'était pour draguer les filles sur la plage, alors, comme tout le monde. Si ça marchait, insulte, s'il te plaît. Ça se saurait. Si, alors ça veut dire que t'as essayé. Parce que moi, j'étais en galère, hein, je savais pas faire deux accords. Je rêvais de pouvoir faire deux accords pour faire les beaux yeux. Sur la table. Pour le coup, moi, c'était pas vraiment le but. J'avoue. D'accord. C'était pour faire les beaux yeux aux petits enfants. C'est ça, aux enfants. Ce qui est... Cette blague est sale. C'est un peu malsain. Donc, est... 20 minutes, 20 c'est minutes, bon. On peut. Okay. Ce qui est plutôt intéressant, c'est vrai. Mais vraiment, c'est une réalité. C'est-à-dire que je savais que ça allait pouvoir me servir comme outil pour bosser, quoi. D'accord. J'y ai pris. Très vite goût, forcément. Donc, j'ai commencé à prendre des morceaux et très vite, je suis arrivé à composer. Et ça fait 10 ans, du coup. D'accord. Et du coup, j'imagine que tu t'es mis à chanter quand tu as commencé à composer. Non. Non, d'emblée, en fait. D'emblée, j'ai appris la guitare. Et, en chantant aussi. Et j'ai appris des chansons. D'accord. Ce qui, pour moi, allait de pair. Ce qui va te perdre dans le boulot d'animateur. Ce qui peut paraître logique, effectivement. Quand tu es en colo, etc. Lorsque tu dois entraîner des chants avec les mômes, déjà la guitare, l'objet, c'est quelque chose que les enfants aiment regarder, en fait, déjà rien que ça. Très réceptif. Et si tu chantes pas avec eux, juste pour les entraîner, c'est pas possible. Ok. Donc d'accord. Nécessairement, t'es obligé de faire les deux, et c'est comme ça que je suis arrivé au guitare chant. Très bien. Puis à la compo. Très bien. Naturellement. Voilà. Et du coup, on aura l'occasion de le rappeler, mais il y a des jolies chansons avec. Je fais du teaser un peu. Ouais, merci. Au début, tu faisais des reprises, du coup. Ouais, oui, j'ai vu. Uniquement des reprises, t'as pas commencé à composer très vite. Non, pas d'emblée, non. D'accord. Non. Ok. Non, j'ai appris des accords, un paquet. Forcément. Un paquet d'accords J'ai appris un deuxième paquet. Là. Et un deuxième paquet, et forcément, là, deux paquets, voilà. Ça commence à faire... beaucoup de paquets. C'est un peu l'idée. Donc, du coup, voilà. Très bien. Du coup, Paul, toi, la batterie, est-ce que tu as commencé par ça ? À quel âge tu as commencé ? Et comment t'en es venu là, quoi ? J'ai pas commencé par la batterie, pour le coup. En fait, moi, j'ai commencé par le saxophone. J'avais 6 ans. C'est vachement bien. C'est mignon. Ouais. Ouais, ouais. Et t'étais pas en galère pour porter le saxophone, exactement. Il avait un tout petit sax. Le saxophone, il était trop lourd en fait pour moi, et je le posais sur une chaise du coup. Ouais, effectivement, ouais. Et c'est un instrument qui m'a. Au début, j'aimais pas trop ça. En fait, c'était mon père est musicien, donc j'étais. Donc tu as un background familial déjà de ouais, base. Ouais, voilà. Ok. Donc j'étais obligé. Enfin, j'étais pas obligé, mais il fallait que je fasse une activité. J'ai choisi de faire de la musique. Et le sax. Il y avait beaucoup d'albums de jazz chez moi, et forcément, Ornette Coleman, Donc quand on parle de background familial, c'est vraiment t'as baigné dedans. T'as entendu du jazz très tôt. Ouais, quoi. J'ai entendu du jazz très tôt et tu voyais papa jouer. Ouais, puis voilà, je le voyais jouer avec des putains de saxophonistes et ça reflète. Enfin pour moi c'est un emblème du jazz le sax. Ouais. Et bon à cette époque-là, j'y réfléchis maintenant, je me dis que c'est pour ça. Mais à cette époque-là, ouais, c'est parce que je trouvais ça super classe en fait. Ouais. Et bon, j'ai jamais réussi à faire comme les grands du jazz, mais. Ouais, effectivement. Mais voilà, après, je suis rentré au conservatoire et j'ai arrêté le sax en. J'avais 15 ans. Et je me suis mis à la batterie. Ok. Voilà, je viens de me rendre compte, en fait. Désolé, je ris, mais je viens de me rendre compte que. Tu dis que tu n'arrives pas à faire comme les grands du jazz et je te dis oui effectivement. Alors je n'ai jamais entendu Paul jouer du sax, si ça se trouve c'est magnifique, mais c'était pas dans ce but là, voilà, je préfère établir la vérité maintenant. Du coup, avant de continuer, pour vraiment replacer le contexte, ton père il joue de quel instrument? Il joue de la batterie forcément. D'accord. Bah, ouais, okay. J'ai profité, et c'est pas la batterie qui t'a attiré en premier en fait, parce que c'est quand même lui que tu voyais jouer. Étonnamment non. Et pourtant, c'est un instrument qui attire les enfants, en fait. Bah ouais, tu tapes sur des trucs, ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai pas commencé par là, ouais. Mais je pense que c'était par souci de pas faire comme mon père, justement. D'accord, donc le 4/4 se transforme en psychanalyse. Voilà, Paul, un enfant pas comme les autres. Est-ce que tu veux t'allonger, Paul, et puis tu vas nous expliquer ce qui va pas, ouais. Ouais. Ok, et donc, du coup, la batterie, tu y arrives à quel âge? Bah, la batterie à 15 ans, puis j'ai pris des cours à une école de Rouen, Agostini, qui est pas une petite école de batterie, ça va. Non, mais ouais, c'est en fait c'est plus une méthode qu'une école de batterie au final. Et c'est pour ceux qui veulent commencer la batterie, c'est juste. D'accord. D'ailleurs, c'est le nom d'une méthode écrite, je crois, de batterie. Ouais. Bah, Agostini, en fait, c'est un mec. Je crois que c'est un immigré italien qui a créé ce truc en France. Ok. Et mais je veux pas m'avancer là-dessus parce que ça c'est pas grave. Avance-toi, tout le monde a le web aujourd'hui. Voilà, ouais, c'est ça. Tout le monde voilà. va vérifier. Ne serait-ce que pour se foutre de ta gueule, tout le monde va voilà, vérifier. C'est ça. Donc c'est même ça, si tu te trompes, on aura la bonne info au final. Au final. Et en fait, c'est vraiment une super méthode parce que même si elle est très vieille, il y a des trucs pour commencer qui sont très simples et qui te permettent de faire des rythmes à la batterie très simples, mais de pouvoir t'amuser assez rapidement. Ouais, voilà, qui te permettent de pouvoir jammer avec tes potes rapidement, même si c'est basique en fait. Ouais. Et à lancer quelques trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, même au début. Mais le mieux pour commencer la batterie, ça reste les grands comme AC/DC, quoi. Tu te mets un AC/DC et puis pouf, ça part. Ouais. De toute façon, c'est Putzka, et puis tu suis. Et puis, c'est comme ça que la première fois que j'ai tapé sur une batterie, c'est avec AC/DC dans les oreilles. D'accord. Et ça, je le recommande à beaucoup de gens. Parce c'était que... pas avec AC/DC autour de toi. C'était ah dans bah les non, oreilles. Non. Pour le coup, non. J'aurais bien aimé. Ça aurait pu être marrant. Ok, très bien. Du coup, ma question d'après, en fait, vous avez à moitié répondu pour certains à cette question déjà. C'est à quel moment dans votre dans votre parcours musical, vous vous êtes dit « Ok, là, il faut que je joue avec des gens » ou « Là, j'ai envie de jouer avec des gens » et vous avez commencé vos premières répètes avec des copains en groupe, quoi. Il y en a un qui est là. Oui, c'est ça. Ouais. Comment on arrivait au jeu en groupe, quoi. À quel moment tu t'es dit « Là, je pense être suffisamment à l'aise pour pouvoir jouer déjà devant quelqu'un » parce que même si ce n'est pas en public, tu joues devant quelqu'un. Et je suis assez à l'aise pour pouvoir jouer avec quelqu'un. Alors effectivement, je repense à ça, j'ai pas pensé à préciser ça, mais quand j'étais au lycée, j'ai eu un autre groupe où j'étais que chanteur. D'accord. Et du coup, la question était collective de faire un concert ou pas, donc pour le coup, t'as pas trop le droit de citer si... quant au fait d'être à l'aise ou pas, si les autres disent on va faire un concert, on va faire un concert. Alors, la question, c'était pas vraiment le premier concert, mais tu vois, le moment où t'as commencé à te dire je vais aller jouer avec un groupe, je vais réunir des copains et puis je vais leur proposer de faire de la musique ensemble ou quelqu'un t'a proposé, tu dis ouais. À quel moment t'as eu dans ton parcours musical, vraiment, tu vois, c'est vraiment dans le parcours musical, à quel moment tu t'es dit bon, c'est bon, là maintenant je peux jouer avec des gens, quoi, avant le premier concert. C'est pas une question d'être prêt, moi perso, ça a plus été une question d'opportunité. Ok. C'est-à-dire que moi je jouais dans mon coin, je composais mes trucs, ma démarche au début était extrêmement autonome, je maquettais des trucs chez moi et puis j'ai diffusé, je les faisais écouter aux potes pour qu'ils me disent ah c'est cool, machin. sans vraiment la recherche du son. C'était vraiment de la maquette, quoi, du bricolage. Ouais. Et mon premier groupe que j'ai rejoint, c'est pas moi qui l'ai constitué, c'est qu'on m'a demandé de le rejoindre. Ok. Donc c'était. Donc vraiment par opportunité, tu t'es dit, allez, on y va, quoi. C'est ça. Ok. Et Ali, du coup, toi, tu nous expliquais que tu avais eu un groupe de métal. Oui, mon tout premier groupe, où ça s'est fait très naturellement, parce que le guitariste était ni plus ni moins mon petit copain de l'époque. Ok, une histoire de rock'n'roll encore. Voilà, et il y avait aussi de l'époque, pour ceux qui ont connu cette période-là, alors peut-être que certains qui nous écoutent aujourd'hui, ça va leur parler, il y avait le chanteur de Ndaka, qui s'appelle Ndaka, Rudy Defrenne. Alors j'espère qu'il ne m'oudra pas de citer son nom et prénom. Voilà, voilà, de toute façon c'est fait. Si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes, bonjour ou bonsoir à toi. Et donc, bon, c'est une histoire qui n'a pas duré très longtemps. Au niveau de ce groupe, on cherchait un petit peu. Mais vraiment, ce qui m'a donné envie de jouer, c'est quand j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Sixties. Ok. Des reprises rock sympas et c'est vrai qu'ils faisaient déjà des scènes avant et quand je suis arrivée, ils n'en faisaient plus déjà depuis un moment et je me suis un peu retrouvée comme ça, projetée au devant de la scène, voilà, on y va, c'est okay. Parti. Et puis voilà. Donc, moi, à la limite, la question que j'aurais à te poser là, c'est ce premier groupe, comment t'es arrivée à les rejoindre en fait? Bah, comme je t'ai expliqué, parce que c'est pas bien grave, ça s'est fait très naturellement parce que mon ex étant le guitariste du groupe, moi chanteuse, lui guitariste, voilà, ça s'est fait. Et puis il y avait Julien Verdière aussi à la batterie à l'époque. Voilà. D'accord, oui, effectivement, j'ai pas fait gaffe. c'est pas grave. Très bien, donc c'était aussi un peu parce qu'on une opportunité qui se présentait. Oui, une opportunité, oui et non, en fait, ça s'est fait vraiment très très simplement et naturellement. On s'est dit bon bah on y va, quoi. Ok, très bien. Du coup, Paul, toi, est-ce que tu as une autre expérience par rapport au jeu en groupe ou est-ce que c'est le conservatoire qui t'a amené ça ou je faisais de l'orchestre, ouais, j'ai fait de l'orchestre. Harmonique ou symphonique? Harmonique, je crois. À la batterie? Non, au saxophone. Ah oui, d'accord. J'étais okay. Avec, il y avait beaucoup de vent et beaucoup de vent et voilà, c'était sympa. C'était un orchestre de petit niveau pour commencer. C'était. Et alors, vous jouiez quoi comme classique? Parce que c'est large, ce qu'on appelle le classique. En fait, on jouait. Alors, je pourrais même pas citer les compositeurs. C'était que des trucs pour les petits orchestres et c'était pas forcément je pourrais pas te citer vraiment c'était pour commencer, quoi. Ok, mais j'irai chercher. Bah ouais, ça peut être intéressant. C'est l'objet du prochain 4K. Mais c'est l'objet, ok, d'accord, bah c'est pas mal. Faudra que je leur dise parce que c'est posé, c'est dit, il y a voilà, des témoins. Je le dirai au prochain 4K. D'accord, donc Paul nous parlera de classique au prochain 4K. Pourquoi pas, ouais. Ok, vraiment, ouais. Très bien. Ça peut être intéressant. Et alors, ces premières expériences en groupe, est-ce que ça a été des bonnes expériences dès le début? Parce que j'imagine notamment au stress de la scène. Est-ce que ça a été des expériences qui tout de suite ont été grisantes et vous ont donné envie d'aller plus loin et de continuer à travailler pour la musique, pour la composition? Ou est-ce qu'il y a eu des moments un peu durs sur ces premiers groupes qui ont failli vous faire renoncer à ça, quoi? Du coup, je vais reprendre, vu qu'il y a eu un moment de flottement, je vais prendre la parole. je prends des initiatives, hein, il faut bien des gens comme il ça. Il en faut un, évidemment. Comment te dire des moments de flottement... Quand t'as 17 ans, des moments de flottement, il y en a. Ça. Voilà, bah, et dans ton groupe, il n'y a que ça. Donc forcément, oui, il y en a. Et tu parlais de la démarche de composition, c'est ça? En gros, est-ce que ça t'a poussé à travailler plus ou est-ce que ça t'a tellement fait flipper que du coup, t'as un peu lâché l'affaire? Ça m'a poussé à travailler tout court. D'accord. Déjà parce que c'est quand c'est son premier groupe et que t'as pas l'habitude de la démarche de travail de musique en groupe, nécessairement, t'es obligé d'adopter une démarche de travail. Que tu n'avais pas forcément quand tu faisais tes maquettes tout seul. En fait, comme c'était mon premier groupe, oui, forcément, ça a initié la démarche du travail dans la musique. Voilà. Et en plus de ça, comme j'écrivais mes propres textes, oui, forcément, t'es obligé de plancher. D'accord, donc c'était toi qui apportais les textes au groupe. C'est ça. Donc, bah, quand tu chantes, c'est préférable quand même d'écrire tes propres textes. Ouais. C'est quand même, ouais, c'est quand même mieux. Ouais. Enfin, moi, je le vis comme ça. Je sais pas quoi, ce que t'en penses, Ali, mais je sais pas si t'écris beaucoup déjà. Non, absolument pas. Absolument pas. Enfin, là, c'est en cours. J'ai quelque chose qui est en préparation. Puisque, bon, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais j'ai un projet de groupe électrique avec exclusivement des compos, hein, pour le coup. Mais non, avec, c'est vrai qu'avec mes groupes, par exemple avec Sixties, on a toujours été dans la reprise, on va dire, à notre sauce. Donc, on n'a jamais fait à l'identique. Les morceaux, on partait toujours sur des improvisations, etc. Avec Aline de Gators, là, c'est encore un autre concept parce que ça reste du rockabilly, mais... ça reste du rockabilly acoustique, donc il n'y avait pas, en tout cas à l'époque, au moment où j'ai commencé, de groupe comme le nôtre, donc on a été obligé de réadapter beaucoup de morceaux. Il y a une démarche d'arrangement qui, sans dire que ça relève de la composition, il y a quand même du boulot. Oui, il y a quand même du travail derrière, parce que bon, je reste une femme, donc de reprendre du Elvis ou du Johnny Cash, c'est pas forcément évident avec la voix que j'ai, donc il faut réadapter. C'est intéressant. Du coup, tu as plus tenu jusqu'ici dans ton parcours musical un rôle d'interprète, oui, mais pas forcément d'interprète avec des facilités, comme tu dis, de fait d'interpréter des voix masculines. Oui. C'est du boulot quand même, j'imagine. Faut trouver, ça vient comme ça vient. On s'inspire de beaucoup de choses, de ce qu'on entend, d'autres morceaux aussi, parce que c'est pas parce que je vais reprendre un morceau de Cash que je vais m'inspirer uniquement de lui pour le chant. Moi, j'écoute énormément de choses, donc il y a des choses que je pioche à droite, à gauche, et je m'en inspire. Et puis à la fin, bah, on essaye de rendre le tout, d'accord, harmonieux. Mmh. Et bon, en général. Ça t'a aidé est-ce que ça t'a aidé à progresser de justement interpréter des textes interprétés à la base par des voix masculines? Oui, ça m'a prouvé qu'aujourd'hui, n'importe quel morceau peut être repris dans n'importe quel style. Okay. Et même au niveau juste de ton chant à toi, de ta pratique à toi, tu sens que ça t'a fait évoluer de passer par la voix masculine? Ah oui, oui, oui, absolument. Ça m'a permis quand même de bosser mon chant, puisqu'encore une fois, c'est vrai que je ne prends pas de cours. Et c'est vrai, ouais, qu'en quelques années où je pratique aujourd'hui donc le chant, parce que ça commence à faire une paye, je ne dirais pas un paquet comme... comme Étienne, mais ça fait une paye. Ah, et deux payes, c'est déjà mieux que deux paquets. Tu as un peu plus de classe, carrément. Et en tout cas, on te le souhaite. En tout cas, on te le souhaite, d'accord. Et du coup, Paul, toi, ta première expérience donc en groupe, tu disais, au sein d'un petit orchestre, ouais, conservatoire, ça t'a pas aidé à aller... À trouver un groupe, ouais. Ouais. Bah, en fait, quand j'ai terminé le conservatoire, moi, en fait, c'est parce que j'ai commencé à jouer avec des potes, bah, mes potes de match-up, en fait. Okay. Et on se retrouvait les week-ends et puis on tapait la jam, en fait, tout le temps. D'accord. On tapait du jam, on a commencé par du punk, on a eu un groupe qui s'appelait Tonton Gizweed. Ah, c'est pas mal comme nom de groupe, j'aime beaucoup. Ouais, Tonton Gizweed. Est-ce qu'il reste des t-shirts Tonton Gizweed? Ben non, c'était un groupe de... Justement, on avait 15 ans, c'était... C'était un groupe d'ados, quoi. Un vrai groupe d'ados. Tu sais que mon premier groupe, c'était Early Girl. Ah. Early Girls, qui est un type d'herbe, d'après mes souvenirs. D'après mes souvenirs, parce que quand t'es jeune, ça tourne autour de la bœuf. Ok. Voilà. D'accord. C'est pas moi qui ai choisi le nom. Et en fait, moi, j'ai toujours joué qu'avec des potes, et des potes très proches. Ok. Et donc c'était naturel, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, proche, vu qu'on a passé beaucoup de temps à jammer et à se chercher, en fait, Mastup, c'est devenu. Le mec se marre, ouais. C'est absolument pas drôle ce qu'il raconte. Alors on était très proches et on a commencé à se chercher. Bah, ouais, écoute, hey, allez, le tienne cas de la weed, on y va. Early Girls. Ah non, mais le festival, quoi. Ouais. Exactement. Ok. Et donc, alors, oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, c'est bon. Du coup, du coup, je suis blasé. Voilà, du coup, je me barre. Bah, pour finir, je voudrais juste faire un tour de table et la question est très simple. C'est, encore une fois, par rapport à votre pratique musicale, vous en êtes où aujourd'hui? Et est-ce que y a des choses qu'on peut aller écouter? Est-ce qu'on peut vous voir quelque part, vous entendre quelque part? Ali? Alors, moi, pour ma part, donc, j'ai toujours Aline de Gators depuis aujourd'hui quelques années. Là, j'ai un projet de monter un groupe électrique, toujours dans le rockabilly. Okay. Mais à côté de ça, j'ai aussi une autre formation qui s'appelle Parafernalia, que beaucoup d'avrais connaissent. Chose, d'ailleurs, je fais des bisous aux filles et aux seuls garçons de la formation. D'accord, JB, ça rappelle des souvenirs. Voilà, tout à fait. Donc où là, pour le coup, j'avais intégré ce groupe-là à la basse. Okay. Donc là, on a fait une petite pause parce que bon, bah les filles, il y a un petit bébé. Félicitations. Forcément, voilà, félicitations à elle encore. Félicitations. En tout cas, on te le souhaite. En tout cas, on te le souhaite. Donc on va reprendre dans quelques temps. En tout cas, je l'espère. Et puis donc voilà pour ma part. Là, on a changé de guitariste pour Aline de Gators. Ok. Donc là, pour l'instant, on ne prend pas trop de dates. Là, la prochaine date, c'est le 21 juin. Fête de la musique juin. Pour faire original. D'accord. Voilà. Ça tombe bien, il n'y a personne qui joue ce jour-là. Voilà, tout à fait. Et ce sera sur Le Havre ? Et ce sera sur Le Havre ou Vancouver. Au Vancouver. Au Vancouver à partir de 18h. Exactement. En face du volcan, donc. En face du volcan, tout à fait. On peut difficilement rater le volcan depuis le Vancouver, qui est en ce moment caché derrière des échafaudages. Donc, D'accord. Ok. En tout cas, on espère qu'ils ne seront plus là pour le 21 juin. C'est en tout ça. Cas, on leur souhaite. Paul, toi du coup t'en es où là? Tu continues à jouer de la batterie autant que tu voudrais? Bah non en fait, ouais. Ça c'était le gros problème de cette année, c'est que j'ai pas pu installer de batterie de chez moi. J'ai pas pu installer de batterie chez moi et ça me manque beaucoup. Mais et en plus là mon groupe, j'ai un pote qui se barre. Ah merde. Et du coup on est en recherche de gratteux et de chanteurs. C'est toujours en recherche, hein, j'ai l'impression. Ouais, on a un pote c'est des mecs qui se cherchent beaucoup par là, dans ce coin-là de la table. Les gens se cherchent. On a un pote qui va nous aider à assurer nos dernières dates, notamment dans les festivals. Ok. Et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Ok. Bon l'info est lâchée. Si jamais vous vous connaissez un guitariste talentueux qui veut rejoindre un groupe de Rouen, qui veut rejoindre un groupe qui se cherche, si vous avez un guitariste qui cherche, ça peut être intéressant. D'accord. Mais c'est très sympa de se chercher. Ok. Moi, je tiens à ajouter que j'ai pu entendre ce que fait ton groupe. Moi, j'aime beaucoup personnellement, donc je vous engage à aller écouter ça si jamais vous voyez leur nom qui passe sur un flyer. Et Étienne, du coup, pour finir, dis-nous où est-ce que t'en es et est-ce qu'on peut t'écouter. Bah moi, je continue avec mon projet, parce que à la base, c'était pas vraiment un groupe. J'ai appelé ça un projet qui s'appelle D'accord. Russian Princess. Moi, je travaille depuis un peu plus d'un an avec notre ami Jean-Baptiste Cavelier. Notre ami Jean, deuxième fois qu'on le cite aujourd'hui. C'est vrai. Jean-Baptiste, il c'est est vrai. Partout. Quelle star. Il est partout. C'est il en même temps, partout. C'est Jean-Baptiste Cavelier. C'est JB quoi. C'est JB. Voilà. JB, il est là. Donc avec qui on a fait une petite poignée de concerts là depuis le début de l'année et dont le prochain sera le 23 mai. C'est le mardi de la dernière semaine de mai. Je crois que c'est le 23 ou le 24. Okay. Au MacDeads. Et on fait un petit concert le 8 mai. Ça s'est calé hier avec notre ami Bertrand Neveu de Green Flamingos. On joue le 8 juin. Au Grizzly Bar, de D'accord, mémoire. Voilà. Très bien. Bon, on aura un rappel des dates de toute façon d'ici la fin d'ici la fin du 4 quarts. Donc et puis, ça, c'est pour les concerts. Et en ce moment, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu avec mon pote Sylvain Barbaret, mais je prépare un EP. Il a beaucoup de potes, Étienne. Oui, j'ai pas mal d'amis, mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un de franchement désagréable, faut le dire. Un homme aussi cool que branché. Voilà. Le mec, c'est à la trouvé, fois cool, quoi. À la fois cool et détendu. Il ne se cherche plus. C'est ça, contrairement à toi, Paul. Exactement. Cool. Donc, je travaille sur un EP depuis l'été dernier avec Sylvain, mon pote Sylvain D'accord, Barbaret. D'accord, très bien. Un peu en stand-by parce que lui, il a ses activités de musicien, okay. ses concerts, ses albums, les albums qu'il compose pour les autres. Et du coup, lui ayant ses activités, moi ayant la formation, cette année, ça a été très compliqué de se voir. D'accord. Mais c'est dans les clous. Bah, très et bien. Puis c'est déjà pas mal. Et si vous voulez écouter les maquettes, il y a SoundCloud. Quoi. Okay. C'est Who is Russian Princess? SoundCloud.com de mémoire. De toute façon. Tapez Russian Princess sur le gros moteur de recherche que tout le monde connaît, avec deux O là. Et normalement, ça roule. Ok, de toute façon, on rappellera les liens avec l'émission et puis on vous refait un topo à la fin. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que vous avez bien répondu à mes questions. En tout cas, moi j'ai appris des choses et c'est cool, ça va peut-être me débloquer. Donc merci. Écoute, c'est merci archi à toi. Merci à Kim de nous avoir cuisiné comme ça. Ah, bah écoutez, on va se mettre un petit peu de musique histoire d'aérer un peu le propos. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a Hakim qui se marre. J'aime beaucoup le d'aérer. D'aérer un peu le propos, n'est-ce pas? Oui. Au secours, Jeanne. Voilà, il faut s'habituer, les gars. Il faut oui, s'habituer. Il va falloir s'y faire. Après ce premier tour de présidentiel. Aujourd'hui, on fête les 23 ans d'un énorme album de Britpop qui s'appelle Park Life de Blur. Donc j'avais envie de vous proposer un de mes morceaux préférés de l'album. Ça qui s'appelle étonné. Tracy Jacks. Merci d'être avec le 4 quarts, c'est adorable. Changez rien, vous êtes impeccable. Du coup, on reprend après Tracy Jacks de Blur et Étienne nous a préparé quelque chose. De quoi tu vas nous parler, Étienne? Alors, je vous ai préparé un bon petit bœuf bourguignon. Oh ah. Yes, j'adore. Parfait. Non, je rigole. En fait, j'ai déjà fait un peu de web radio avec nos amis de l'asso à Ransort que j'embrasse. Il y a certainement des gens qui écouteront l'émission quand on la diffusera. Et c'est vrai que comme j'ai déjà fait un peu de radio avec la web radio d'Aronsort, il y a un exercice que j'ai toujours apprécié, c'était l'écriture de chroniques et de chroniques radio. D'accord. Et du coup, dans cette émission de web radio, on va parler de radio. La boucle est bouclée. Ouais. Radioception. C'est ça, exactement. Radioception. C'est ton petit côté DiCaprio. Tu y ressembles un petit peu sur les bords. Ouais, c'est la coupe de cheveux qui fait ça. C'est ça. Je vais commencer mon intervention un peu, qui sera peut-être un peu décousu d'ailleurs, hein, c'est un peu mon c'est quand même, par cet exercice que j'aime beaucoup, celui de la chronique. Non pas que je veuille faire une chronique sur les chroniques radio, ce qui serait un peu tourné en rond, mais je voudrais profiter de cet espace d'expression pour déclarer ma flamme à ce média magique qu'est la radio. C'est quand même un média magique, hein. On parle... Et on échange, dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres les uns des autres, on peut quand même communiquer les uns avec les autres, et ça c'est quand même pareil, hein. Alors je vais pas nous inclure dans cette pratique qui relève maintenant de l'art oratoire et de l'art technique, parce qu'on est un peu des newbies, hein. On peut pas faire plus noob, hein, j'ai envie de te dire. T'as dit quoi, pardon ? On peut pas faire plus noob. On peut pas faire plus noob, effectivement. Des newbies absolus du métier. Mais ça nous empêche pas de rendre l'hommage qu'il mérite à la TSF. Ouais ! Parce que les émissions de radio, ça fait quand même plus d'un siècle que ça dure. Première émission de radio, à votre avis, c'était quand ? Première émission de radio, plus d'un siècle. Donc oui, c'est avant en fait, 1917, forcément. Oui. La veille de la guerre. Moi, j'aurais bien dit un truc genre... 1890, ouais, j'aurais dit un truc comme un ça peu aussi, avant moi, le, ouais. Tu vois, l'Expo universelle, tout ça. Quoi. Alors, c'est loin d'être idiot. Figure-toi que la toute première émission de radio, selon notre ami Wikipédia, c'est en 1914. Okay. Depuis une station installée dans le Palais Royal de Belge pour retransmettre un concert qui avait lieu. C'est-à-dire que pour retransmettre la première émission de radio vouée au grand public, c'était quand même de la musique. C'était de la musique. C'est pas mal. Et donc, du coup, Paul avait raison en disant que c'était juste avant-guerre, que c'était à la veille de la guerre. C'était peut-être même la vraie veille de la guerre. Tout à fait. Mais en même temps, ce genre d'évolution technologique, en général, c'est plutôt initié par des recherches militaires. Comme Internet. Tout à fait, exactement. Okay. Donc du coup, je vous invite à méditer sur le fait qu'on pouvait écouter des concerts à distance en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. C'était en mars 1914, alors qu'on était encore dans des sociétés qui étaient extrêmement, extrêmement agricoles. Ils avaient de l'autotune déjà à l'époque ? Alors je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Hein. En tout cas, ça devait être sacrément dégueu le son à cette époque. C'est ça. N'empêche que quand on évoque cette période-là, on parle d'émissions de radio, mais comme Hakim le faisait remarquer, la technologie de la retransmission radio date de 20 ans plus tôt. D'accord. 1893. J'ai pas noté la date, je crois. Tu vois, 1893, par Nikola Tesla, le fameux. Le magnifique. Le grand. Big up. Le très très grand. Un gros big up à Nikola Tesla. Nico, si tu nous entends. Et quand on évoque l'année 1914, donc on peut effectivement pas s'empêcher de penser à la Première Guerre mondiale, dont on célèbre actuellement le centenaire. Puisque de 2014 à 2018, on aura droit forcément à les cérémonies, il n'y a pas très longtemps, je crois. Hollande était au chemin des dames, dont la bataille s'est tenue, s'est terminée. Donc du coup en 1917. Ok, donc pas l'année de big up pour Hollande. De quoi ? Je disais pas de big up pour Hollande. Non là non. Non d'ailleurs s'il y en a qui veulent, il y a de la mimolette là au milieu de la table, c'est super bon. Je te jure, c'est archi bon. Ouais, on lui dira et je pense qu'il appréciera beaucoup la blague. On a certainement jamais dû lui faire. Donc si on que met... des blagues inédites dans le 4-quart, que n'empêche... des blagues inédites. Exactement. N'empêche que si on met le conflit, conflit armé et radio dans la même phrase, on peut aussi ne difficilement s'empêcher de penser à Radio Londres. Ah, le général. Et au rôle que le média radiophonique a eu dans la résistance européenne. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui a un petit message personnel. C'est un message personnel de Monsieur François F., ex-candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'il a été sorti comme un gros perdant. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Non, non, les mecs, vous êtes gourés. C'est pas parce qu'ils sont tous gaullistes qu'on... et que forcément, forcément, on va avoir droit à du Verlaine. Non, le vrai message, donc effectivement, c'est François F. Un mystère, je ne sais pas qui c'est. Donc, je vais vous citer son message personnel destiné à son épouse. À travers ce code. Hein. Exactement. Okay. S'il te plaît, va rendre le dernier costume. Je l'ai en double, peiné. Fin c'est de génial. Citation. Il y a un petit PS c'est quand même. Génial. Prends-moi des rayures histoire de m'habituer. Voilà. J'aime donc beaucoup. Ça, donc je ne sais pas d'où c'est tombé. On m'a demandé de transmettre ce message personnel, donc je le fais. Voilà. Je voulais simplement lancer mon, comment dire, mon temps de parole par ça en fait, par la magie du média radiophonique. Là, on va passer par Internet, mais il faut quand même pas oublier que tout autour de nous, il y a les ondes et que ça fait plus d'un siècle que ça dure et que ça existe encore. Plus quand d'un siècle qu'on les exploite. C'est ça. Quand on sait que la télé, que les gens regardent de moins en moins la télévision à cause d'Internet, que les émissions sont d'une qualité franchement discutable et que les gens continuent à écouter la radio, moi je trouve ça magique et je voulais qu'on en parle en fait. Effectivement. Je voulais qu'on c'est parle de tout ça. Bête, ouais. Qu'on parle donc, un peu de radio, c'est pas mal. Au-delà du média et de, bah de, la, bah de la manière de l'utiliser, de ce que ça a représenté dans l'histoire. Le fait qu'on utilise bah, cette chose intangible pour traverser des mers et des frontières. Ce qu'il y a de mortel avec la radio, je vais commencer peut-être par ça, c'est qu'à la radio, on n'a pas de couleur en fait et on peut communiquer. Effectivement, c'est que des c'est voix vrai. Qui communiquent entre elles et suivant... Après, moi, je n'ai pas une expérience radiophonique dingue. Je ne suis pas trop ce qui se fait actuellement. C'est vrai que je regarde plus des web radios. Mais effectivement, le fait d'avoir juste une voix, comme quand tu lis un livre et que tu t'imagines les personnages, bah là, tu entends quelqu'un parler et il n'y a que ton imaginaire qui joue. Et des gens, je pense notamment à des gens comme Pascal Clark, qui ont fait toute leur carrière sur leur voix. Et une carrière télé sur une voix, c'est quand même très fort. Et parce c'est très, très fort. Parce qu'elle a fait En aparté, qui était une Exactement. Émission que moi, personnellement, j'adorais, quand j'étais môme, ça me fascinait vraiment de... Tous les samedis midi, on regardait. Voilà, c'est ça, il y avait un peu de ça, c'est vrai. Et c'était juste une voix, il y avait ce côté très agréable de... Il n'y a pas la mise en avant d'un présentateur, tout le monde est au même niveau. Moi, c'est ça qui me plaît, en tout cas, quand j'écoute de la radio. Mm-hmm. Pour ma part... C'est vrai, je comprends ce que tu veux dire et moi je vais rebondir en disant que moi ce que j'aime beaucoup à la radio, c'est les émissions collégiales. C'est les émissions à plusieurs. Genre les grosses têtes. Par exemple, si tu veux, ouais. Et comme tu dis, moi je trouve ça très agréable parce que tout le monde a droit de citer. Mais tu rigoles sur les grosses têtes, mais en vrai, je suis convaincu que c'est une émission qui doit être extrêmement regardée et que moi j'apprécie sur le ton du jeu en fait. Ouais. Oui, ça m'est arrivé dans mon ancien taf, quand je faisais quelque chose d'un peu machinal sur mon ordi, de mettre ça parce que ça parle de l'actualité sur un ton qui est ludique. Ouais. Détendu. Voilà, c'est RTL, c'est sur RTL que ça passe, hein, les grosses Alors, têtes. Je sais pas du tout. Moi, les grosses têtes, j'ai arrêté quand Guy Montagnier a arrêté. Ouais. Voilà. Ouais. Guy Montagnier, sinon j'écoute pas. Ouais, bah ouais. Et du coup, moi, j'appréciais, tu vois, de prendre, même si je suis pas mal l'actualité, parce que vous aurez deviné que j'écoute un peu la radio quand même. Non, sérieux. Ouais. Et j'aimais bien cette tonalité un peu ludique. Et d'ailleurs, les jeux à la radio. À part le jeu d'Emile Roux, moi je vois pas trop ce qui existe. Je t'avoue que oui, pour moi il y a que ça qui existe. Le jeu d'Emile Roux et puis le métallophone, quoi. Louis Boson à l'époque, quoi. Tu étais peut-être un peu jeune pour avoir connu ça. Je connais pas. Lucien Jeunesse, même avant. Je sais pas si vous vous souvenez de Lucien Jeunesse. Moi c'est vrai que le jeu d'Emile Roux, c'est un jeu que j'adore, que j'écoute plus mais que j'adore. Et en jeu à la radio actuellement. Il y a tellement de jeux à la télé, en fait, qu'on entend. Ouais. Moi, j'entends pas parler des jeux radio. Après, je l'écoute pas non plus, forcément, mais... Pour moi, le seul jeu qu'il y a d'autre, c'est Manu qui t'appelle pour te payer ton salaire. Quoi. Mais, en fait, ils font toujours ça, putain. Je crois, oui. Oh là là. C'est peut-être le fait que le jeu est de enfin ouais. Et c'est difficilement radiophonique en fait, c'est peut-être lié à ça, je sais pas. Moi j'aimerais avoir, puisque j'ai commencé à parler de la radio, j'aimerais connaître votre rapport à la radio et votre écoute éventuellement. Ali? Alors moi la radio je l'ai beaucoup écoutée étant lycéenne surtout. Quelles, des stations en particulier peut-être? Alors moi j'écoutais beaucoup RTL2. J'écoutais RTL2 parce que c'était la radio un peu rock, très rock même, on peut dire. D'accord. Et puis j'écoutais aussi quand j'étais très jeune Skyrock parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'était pas le Skyrock de aujourd'hui. C'était très bien à l'époque. C'était très très très bien. Il passait à la fois du rock, voire même parfois du métal, du punk aussi. Et il passait aussi du très bon rap. Ok. Est-ce que tu peux m'éclairer du coup sur la distinction, enfin, je pense que tu allais le faire, mais sur la distinction du Skyrock dont tu nous parles et du Skyrock a priori actuel? Oui, alors après je vais peut-être pas me faire des copains ou des copines. On s'en fout, je ne suis pas là pour ça. Je pense pas qu'ils nous écouteront de toute façon. Peu de chances que Laurent Bouneau écoute le 4 quarts. Voilà. Il y a même peu de chances que Laurent Bouneau mange du 4 quarts, je pense déjà de base. Non mais c'est vrai que je pense que Skyrock, il y a eu quelques années où ils étaient vraiment en recherche de nouveautés, d'originalité, chose qui ne se fait pas vraiment, en tout cas pour moi, à mon sens, aujourd'hui. Vu ce qui passe, après, je ne sais pas à qui tu vas me dire. Moi, aujourd'hui, je n'écoute plus. Donc après, moi, j'ai plus ce regard sur cette onde-là. Mais en tout cas, à l'époque, Skyrock, c'était vraiment quelque chose que j'écoutais très tôt le matin grâce à Difool. Merci Difool. Merci Difool. Et puis bon, au bout d'un moment, au bout de quelques années, j'ai un peu commencé à décrocher. Et je me souviens du générique, du premier générique de Skyrock, qui était un sample de Prodigy. D'accord. Oui, et oui. Et si je ne me trompe pas, ça devait être Smack My Bitch Up, okay. Il me semble. Ils ont repris un court sample de ce morceau. Alors je sais pas, après moi j'invite les gens qui nous écoutent à rechercher sur le web. Ouais, on pourra peut-être le diffuser, on pourra peut-être chercher le morceau et puis on pourra peut-être essayer de se l'envoyer. Voilà, donc je pense qu'en tapant sur notre moteur de recherche à tous, Skyrock, générique dans les années 90. Dans les années 80, mais ça me dit rien en fait, ce générique-là, mais c'est pas déconnant. Mais tu sais quoi, Hakim, on va se le mettre en fond pendant qu'on continue à discuter, comme ça Ali va pouvoir nous éclairer sur la chose. Et toi, Paul? Moi, en fait, ce que je trouve ouf dans la radio, qu'on ne retrouve pas avec les médias comme la télé, qu'on retrouve avec Internet d'ailleurs, c'est que c'est beaucoup plus facile d'accès à tout le monde. Tout le monde peut lancer une petite radio locale et faire des chroniques, faire des émissions. On le retrouve là, avec cette radio, le 4 quarts, c'est très simple de le faire. Il y a quelque chose de très démocratique dans la pratique. Voilà, c'est ça. Et même dans l'écoute, parce que ça nécessite quasiment aucun moyen. C'est ça. Quand, sur un téléphone, on a tous un récepteur radio. Et on peut très facilement accéder à ces médias. Ce que je trouve aussi impressionnant, c'est qu'on a beaucoup de petites radios locales qui se battent pour exister et qui proposent pour beaucoup des programmations très intéressantes. Moi, je pense à HDR à Rouen, qui est la radio de Rouen, qui est juste, pour moi, un peu la résistance des grandes radios, en fait, qui va balancer du gros pura et à côté qui va balancer du jazz, du free jazz qui se barre dans tous les sens. Un peu comme Radio 666, je crois, sur Caen. Je ne connais pas les radios canaises. Qui a notamment une émission de hip-hop qui est très très bien, qui s'appelle Hip-Hop Syndrome. Alors je ne sais pas si ça existe encore, moi j'écoutais ça il y a quelques années, et qui font autant du hip-hop que du metal, que du rock, que de la chanson. Et c'est très très bien, du reggae. C'est le même principe à HDR, oui. C'est juste moi c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est dans ces radios là qu'on retrouve le plus de variété musicale en fait, pas de la musique variété mais de la variété musicale, et je trouve ça dommage que tous nos grands médias aujourd'hui soient très très centrés autour des mêmes comment dire, tu veux dire individuellement centrés sur une espèce ligne, une ligne de diffusion musicale. Voilà, exactement, ils prennent plus aucun risque. C'est ce que je trouve très dommage. Tu veux dire qu'ils prennent aucun risque par rapport à leur programmation et surtout aux auditeurs qu'ils ont, à l'écoute régulière qu'ils peuvent avoir. On écoute, exemple, moi je sais pas, mais j'écoute pas RTL, pour moi c'est pas une radio rock aujourd'hui en tout cas. Il y a Oui FM, c'est pareil, on dit que c'est une radio rock, j'ai du mal à me dire que c'est une radio rock. Alors que HDR, c'est une radio tout, en fait. Il y a plein de petites radios comme ça qui sont des radios... on passe ce qui nous plaît, en fait. Alors, il y a une question que je trouve super intéressante, c'est que tu parles de l'écoute de la radio comme vraiment la recherche d'une forme de playlist et puis d'un propos musical, enfin d'une recherche de style. Et... Alors que la radio, c'est pas que de la musique, en fait. Non, c'est pas que de la musique, ouais. C'est vrai. Et y a... C'est surtout pas que de la musique. Moi, personnellement, j'ai beaucoup écouté de musique quand j'étais ado, grâce à la radio, notamment grâce à Skyrock, avec des émissions complètement dingues comme... Sky BOSS comme Cut Killer Show et même Couvre-feu avec Jackie Brown des Negmaron qui n'arrêtait pas de gueuler sur les morceaux, c'était incroyable. Mais c'est vrai que maintenant j'ai une écoute de radio qui est absolument pas musicale, c'est-à-dire que je vais aller chercher des émissions de radio que je vais schtroumpfer sur le web. Il va les schtroumpfer. Je vais les schtroumpfer, c'est ça. Et je vais les écouter beaucoup en voiture, en fait, je vais me les mettre sur clé USB. Et notamment dernièrement, j'ai beaucoup écouté l'émission d'Étienne Klein qui passait sur France Culture, qui s'appelait La Conversation Scientifique. C'était juste absolument génial. J'écoutais beaucoup les 2000 ans d'histoire, tout ça. Ah ouais. Et j'écoute plus du tout de musique. Même, je te dirais, tu vois, des radios comme FIP que tu mets l'été au barbecue, machin. Même ça, maintenant, je n'arrive plus à les écouter. J'ai une recherche radiophonique vraiment de sa voix. Ouais. Si voilà, c'est la voix que je cherche. C'est Pascal Clark que tu cherches. Non, c'est pas Pascal Clark que je cherche. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce café. Je sais pas si. Elle est plus sur Inter. Elle y a été un long moment, mais elle n'y est plus. Et pour D'accord. Le coup, je pense qu'il va falloir qu'on se batte pour sauvegarder, par exemple, Radio France. Ah ouais. Parce qu'ils ont été matraqués sous Sarkozy, je crois. Ils vont l'être forcément sous le prochain candidat. Bah ouais, forcément. Il y a eu des soucis avec Philippe Val, etc., les différents directeurs. Et puis ils leur coupent leur budget. La programmation. Fond, ouais. Alors, tu parlais de Radio France. Moi, j'ai plus Inter en tête parce que c'est plus ou moins la grande radio généraliste, moi, à laquelle je me réfère. Et il me semble qu'effectivement, il y a eu des soucis de ligne, notamment avec Stéphane Guillon, je me souviens, Didier Porte. Qui étaient des chroniqueurs je pense qu'on peut le dire, qui défonçaient le pouvoir, et à juste titre. Et Stéphane Guillon, c'était très bien. Là, j'ai pas beaucoup écouté ce qu'il a fait à la radio, par contre, j'ai lu son bouquin, et du coup, derrière, je suis allé chercher à retrouver les replays et à écouter ça, et c'était très très bien, Stéphane Guillon, je trouve. Ouais, c'est vrai, ouais, effectivement. Il n'y a pas eu d'autres gars comme ça aussi forts depuis ? Moi qui suis pas, si toi t'écoutes France Inter, est-ce qu'il y a des mecs qui sont aussi balèzes que ces gars-là à l'époque? Ça dépend, tu sais, c'est quand même assez subjectif. Après, il est, comment dire, en termes de vraiment de contre-pouvoir et de critique, enfin, moi juste l'émission de 17h, quoi. Toute la semaine, les Belges, oui, j'en ai entendu parler. Si tu et avec leur. Donc c'est Charline Van Hoenacker et puis Alex Vizorek, et donc ils sont deux Belges. Qui donc du coup ont moins de, je pense aussi quelque part, moins de scrupules à parler du pouvoir français, et qui sont coin de leur comparse, s'appelle Guillaume Meurice, qui est juste qui fait un exercice tous les jours donc 5 fois par semaine. Okay. Il va faire un micro trottoir. Ah ouais, dur. Pour faire raconter pour faire parler les Français sur un sujet. Et ce qui est excellent, c'est qu'à chaque fois il réussit à les mettre en face de leurs contradictions en 30 secondes. C'est très très fort. Donc j'ai pas d'extrait sous la main, mais je peux, toi qui as l'air de connaître, je t'incite juste à aller écouter ce mec-là, les interventions, parce que c'est divin. Guillaume, c'est juste à mourir de rire. Guillaume Meurice, comme Maurice, mais avec un E à la place du A. Un Guillaume Meurice à vrai, quoi. Un Maurice à vrai, quoi. C'est ça, oui, voilà, carrément. Ouais. Un peu l'idée. Le Guillaume Meurice du peur. En cherchant micro-trottoir, on va peut-être trouver. Bah on va essayer de trouver ça, ouais. Bah jeunesse, parce qu'aujourd'hui la radio est connectée, du coup on peut aller chercher en même temps. Et d'ailleurs, tout à l'heure tu parlais de voir une émission de radio. C'est toi qui as tenu ce propos et j'ai trouvé ça super amusant, parce que normalement la radio, ça s'écoute. C'est un gauche-droite, quoi. C'est juste du son, et maintenant c'est vrai qu'on revient, on arrive un peu à la diffusion en plus de vidéos. Qui n'a pas toujours forcément de l'intérêt, mais on revient à une espèce d'exercice télévisuel. Je sais pas à quoi ça tient chez moi, si personnellement, vous avez une idée par rapport à ça, mais moi personnellement, je trouve que je trouve pas tellement que l'exercice soit télévisuel, dans le sens où les gens ne parlent pas à la caméra. Ouais. Tu vois, donc en fait, la caméra est oubliée. Ouais. Voilà, donc libre à toi de regarder les réactions des gens quand tu sais qu'il va y avoir un comédien que t'aimes bien, qui a l'habitude d'un peu improviser sur le plateau, etc. Mmh. Ça peut être intéressant de voir comment ça se passe effectivement sur le plateau. Maintenant, libre à toi d'écouter que le son, de regarder la vidéo ou pas. Moi, je trouve pas ça inintéressant. Maintenant, j'ai pas l'impression que ce soit réellement télévisuel dans le sens où, comme dit Paul, la caméra est très vite oubliée, quoi. Merci Paul. J'ai réussi à convaincre l'opinion. Et bien, je valide. Et bien, Paul Charol a validé. Je pense que. Alors, on balance les blazes. On va pouvoir conclure l'émission. Du coup, je sais pas si t'as cherché l'histoire du sample, mon bon Hakim, ou si tu es passé à autre chose. J'ai absolument pas trouvé l'histoire du sample. Damn. Par contre, j'ai trouvé le moment Meurice. Un petit Guillaume Meurice. Bah écoute, on a qu'à se mettre ça histoire de voir. Histoire de rigoler. Salon de la lingerie, donc beaucoup de marques étaient présentes. On commence avec une marque polonaise qui avait toutefois une chargée de communication française. J'ai vécu 2 ans en Pologne où j'ai découvert la marque donc Le Petit Trou. Et la marque s'appelle comment ? Le Petit Trou. Mais alors attendez, qui a choisi le nom de la marque ? Zuzana, la créatrice, Zuzana Kuczynska. Mais elle parle français ou pas ? Malheureusement, non. Elle parle anglais, polonais, mais malheureusement pas français. Ouais, on s'en doutait. On s'en doutait un petit peu qu'elle parlait pas français. Le Petit Trou, donc, pour une marque de lingerie, voilà. Comment dire ? Bah pourquoi pas ? Hein, pourquoi pas un parti politique qui s'appellerait les petites baltringues ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, la marque de lingerie Le Petit Trou. Mais le pire, c'est qu'il y a une vraie raison à ce nom. En fait, toutes nos culottes ont sur l'arrière un petit trou. Donc, un petit décolleté sur les fesses. C'est pratique, ça. C'est important pour nous que les femmes puissent mettre notre lingerie vraiment dans leur vie de tous les jours. C'est quotidien, c'est pas seulement pour le soir, c'est pas seulement pour plaire à son mari ou à son copain. Et du coup... Donc, on peut aller au bureau avec son petit décolleté de fesses. Exactement. Et bien, voilà. C'était Guillaume Meurice. Bon, là, effectivement, il aborde un sujet plutôt léger parce qu'il est allé, au salon de la lingerie, je crois, de mémoire. Mais il peut tout autant faire ça qu'aller se confronter à des militants politiques. Et c'est vrai que ces derniers mois, avec les élections, il l'a quand même beaucoup fait. Et avec des militants de tous bords, même si lui-même avoue qu'il est plutôt partisan. Voilà. D'accord, ok. C'est un rougeau. Plutôt, c'est okay. Vrai. Il s'en cache pas. Paul voulait apporter. C'est un insoumis. Paul voulait. Oui, c'est vrai qu'il ne s'est pas trop caché de. Il s'en cache jamais trop d'ailleurs de ses accointances et de ses préférences politiques. Mais comme il le dit lui-même, il n'est pas journaliste, donc il s'en fout. Il a bien raison. Paul voulait apporter une petite précision par rapport aux orchestres de Radio France. Oui, en fait, je parlais de coupes budgétaires tout à l'heure et. C'était principalement les orchestres de Radio France qui étaient visés, qui devaient s'arrêter en fait. C'est quand même des orchestres uniques. Et ils ont combien d'orchestres à Radio Je crois France. Qu'ils en ont deux. C'est quoi, Philharmonique et... Alors ça, je pourrais pas te dire. Parce que j'ai connaissance du Philharmonique, mais... Le Philhar de Radio France, et ils ont aussi une chorale, je crois. Enfin, il y a plein en fait, je pourrais pas vous dire, j'ai pas de renseignements là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, je crois que c'était l'orchestre philharmonique qui voulait arrêter. Ou je sais pas, il y en avait un autre. Ok. Bon, en gros, c'est... Enfin voilà, il devait y avoir des coupes budgétaires. Il y avait même Radio France Musique qui devait s'arrêter, enfin je crois. Il y avait des trucs comme ça, quoi. Et je pense que sous 5 ans, il va se passer beaucoup de choses autour de Radio France. Ouais. Il faudra qu'on sauvegarde tout ça. Ah, effectivement. Effectivement, parce que c'est aussi une radio, alors je sais pas, c'est un groupe en fait, Radio France, hein, c'est oui, ça ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est aussi un groupe qui regroupe bah, du coup des radios qui donnent aussi envie à des gens de s'y mettre. Et notamment, j'ai vu là il n'y a pas longtemps que pour faire la nuit originale, donc pour ceux qui ne connaissent pas la nuit originale, allez-y sur YouTube, cherchez la nuit originale. C'est juste une émission qui est incroyable, qui est menée par Thomas Hercouet, c'est fou. D'ailleurs, ça vient aussi un peu de là notre envie de se réunir ce soir. Ça peut pousser en fait, je pense, des gens à faire ça, et notamment là dans la nuit originale, ils sont dans les locaux de Radio France, si je me trompe pas. Donc voilà, ils mettent aussi la main à la pâte dans des initiatives d'amateurs entre guillemets, de gens qui travaillent sur le web pour la radio. Ouais, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que au-delà du propos parfois artistique qui est diffusé par par les radios, on parlait des concerts, on des émissions d'informations diverses et variées auxquelles on peut avoir droit en écoutant les émissions de Radio France au sens large. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un service public. Ouais, oui, un service public où tu es censé entendre tous les candidats de la présidentielle autant que possible. Et moi, s'il y a un truc qui me dérange un peu justement avec Radio France, c'est un peu quand on entend des Patrick Cohen dire bah, tel candidat, je vais pas l'inviter parce qu'il ne m'intéresse pas. On est sur le service public. Donc, Il a dit ça. C'est juste incroyable. Et avec une condescendance, voilà, moi, ça m'a mis hors de moi. C'était c'est le service public. C'était François Asselineau, je crois. D'accord. Et en gros, il expliquait que, bah, effectivement, il l'a pas invité, mais que ça ne l'intéressait pas. Sauf que, bah, on est sur le service public, donc ça doit, enfin, c'est comment dire. C'est, il doit avoir sa parole aussi. C'est ça, il doit. Ouais. Sur les radios nationales. On peut pas être partial en fait sur une radio publique. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, peut-être que deux Belges ont moins de soucis à aller attaquer, je parle au niveau de l'humour, à aller attaquer notre pouvoir français. Je pense que ça peut manquer aussi des gars comme Stéphane Guillon, des gens comme ça qui n'hésitent pas à rentrer dans l'institution, en fait. Déjà parce que c'est drôle et parce que... C'est drôle et puis parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer, des fois. Mieux vaut en rire que de s'en foutre. Aussi, c'est vrai. Ouais. Le coup, je trouverais super intéressant qu'on discute du fait, vous savez que il y a une mesure qui a été prise pour cette avant ces élections, je crois que ça a été voté peu de temps avant, que tous les candidats aient le même temps de parole, mais à la seconde près. Et est-ce que pour vous c'est primordial ou pas? Alors, jusqu'à maintenant on n'avait pas fait comme ça. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que Hakim a commencé à en parler avec justement l'histoire de François Asselineau, et ça pose pour moi une question qui est fondamentale et qui avait été grandement reprochée à notre ancien président de la République Nicolas Sarkozy. C'est à partir de quand est-ce qu'on est en campagne? Oui. À partir de quand? À partir de quand est-ce qu'on est encore? Alors, au moment où on le dit ou pas? Ça, c'est une question moi que je me pose parce que on a parlé. Je crois que c'était avec toi, Paul. Là, juste après le premier tour, on a parlé des candidats et en fait, on se rappelait que finalement, Marine Le Pen allait en campagne depuis 2007, quoi. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est dingue et elle s'en cache pas et on le sait tous. Donc, comment c'est réglementé? Est-ce que c'est légiféré? Est-ce qu'il y a une date officielle de début de campagne? Mais s'il y a une date officielle, pourquoi on les voit autant avant, en fait? Parce que ce sont des personnages politiques et qu'il faut qu'on voit leur tête à la télé. Bah, il faut. C'est, ça dépend ce que tu en parles. Il faut, quoi. Oui, enfin, je pense qu'ils ont besoin de ça aussi pour exister. Pour réussir à exister et puis à amadouer le maximum de gens. Avant qu'il se passe les élections, je pense que c'est important pour eux qu'ils se montrent, qu'ils se fassent un petit coucou, histoire de « Salut, on est là, vous avez vu, il s'est passé ça ouais. ». Voilà. Donc, d'ici un an, deux ans ou trois ans, il faut penser à voter pour moi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et chose qui est, d'ailleurs, enfin moi qui me... Comment dire? Qui m'énerve, on va dire, tout simplement, comme la date des débuts de campagne. Mm-hmm. C'est surtout... Pourquoi on les entend parler jusqu'au premier tour et le lendemain du premier tour et jusqu'au second tour? Pourquoi ils ont... Parce que ça reste de la campagne finalement, en fait. Mm-hmm. Là-dessus, je rejoins un comédien que j'aime beaucoup. Enfin, un comédien, il n'est pas que comédien, mais une personnalité que j'aime beaucoup, Alexandre Astier, qui disait, et je suis tout à fait d'accord avec lui, tout simplement, pourquoi un an avant la présidentielle, les mecs nous écrivent pas un programme comme ça, bien fait. Ils nous les envoient. On a tous ça comme les programmes aujourd'hui, tu vois, dans la boîte aux lettres. Et pendant un an, silence radio. Pendant un an, on les entend plus. Et on se fait notre avis, on débat entre nous, le peuple, quoi. Et puis on va voter là. Parce que c'est là, en fait, il n'y a que le vendredi, finalement, si je ne me trompe pas, il n'y a que le vendredi où les sondages sont obligatoirement vérifiés. Où la loi impose qu'on vérifie les sondages, c'est genre le vendredi, deux jours avant le premier tour. Oui. De quoi on parle? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ce serait beaucoup plus démocratique que les citoyens en discutent entre eux plutôt que de faire des... Et d'être matraqué, en fait. Voilà, de matraquer télévisuellement et enfin, médiatiquement... C'est exactement ça. Et puis là, malheureusement, la campagne qui vient de se passer et qui se passe encore, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'intervention de Marine Le Pen hier midi sur France 2. Donc on est au lendemain midi du... Enfin, lendemain midi ou soir, remarque, je ne sais pas. On est au lendemain du premier tour. Et elle a une plage énorme dans le JT. Elle est invitée, etc. Et puis, quoi qu'on en dise, niveau com, ils sont forts. Donc... Moi, je trouve ça dingue, en fait, que le lendemain du premier tour, elle s'exprime de cette façon-là. Enfin, il ne devrait pas pouvoir s'exprimer, en fait, entre les deux tours, parce que ça reste de la campagne, quoi. Ça reste de la communication. À partir du moment où tu prends la parole publiquement, c'est pas qu'il faut le décompter du temps de parole ou quoi, mais à partir du moment où tu prends la parole publiquement, t'es en campagne. Marine Le Pen, aujourd'hui, elle est en campagne depuis 2007, pour moi. Bah ouais, j'ai l'impression aussi. Mais c'est malheureusement, je crois qu'on n'est pas prêt de changer ça. Il va falloir se battre, en fait. Se battre un peu, ouais. En fait, quand on y réfléchit, il y a un paquet de règles du jeu qui sont faussées et qui sont à transformer, et pas que en termes de loi, parce que il y a, au risque de me faire l'avocat de certains programmes, il y a des gens qui ont pensé à transformer les règles du jeu, mais quand on parle de règles du jeu, c'est les grosses règles du jeu qui instruisent notre état, mais on ira pas plus loin parce que je veux pas être non plus archi-partisan, et en plus de ça, ton temps de parole est écoulé, du coup je vais essayer de boucler la boucle en parlant en finissant sur la politique. C'est que ce qui me pose aujourd'hui problème par rapport à Radio France aussi, c'est que il y a un manque de partialité qui est évident, donc on va dire le peuple, nous, entre guillemets, bah, on peut s'insurger contre ça et se dire « Ah, Radio France, ils sont pas impartiaux et ça le fait pas. » Mais en même temps, du coup, on se rend pas compte qu'ils se font aussi démanteler, entre guillemets, par les politiques eux-mêmes, souvent. Donc, voilà, et surtout, ce que je remarque, c'est que tu parles que de Radio France, mais il y a beaucoup de médias qui n'ont invité que deux personnes ou trois. Ah, il y en a énormément. Mais bon, vu que le thème, c'était la radio... Je pense surtout aux autres radios, là, Europe 1, toutes ces radios-là, respecter ce quota... Alors, c'est pour ça que je parle de Radio France, c'est que Europe 1, etc., c'est des radios privées, elles font ce qu'elles veulent. Bah non, elles sont en obligation de respecter la loi, et la loi, elle est de filer un temps de parole à tout le monde. D'accord, alors même... Ah d'accord, ok. C'est ça, en fait. Est-ce que c'était ça ma question tout à l'heure. Est-ce que ça vous semble normal que les médias soient obligés de donner le même temps de parole à chaque candidat? Ah oui, moi ça me semble logique. Ouais. Ouais. D'accord. Parce que pour moi, en fait, c'est perdre totalement les gens... Mais regarde, Laurent Ruquier, là, il a fait une émission avec des politiques. T'en avais qui avaient une heure, t'en avais qui avaient une demi-heure, t'en avais qui avaient 20 minutes, t'en avais qui devaient avoir 20 minutes quand on eut 10. Je sais plus quand est-ce qu'ils ont fait passer ça, mais en gros, ton temps de parole est proportionnel au pourcentage que t'as fait aux dernières élections. Donc les petits, ils ont juste aucune chance de s'en sortir. Et puis, si tu rajoutes à ça, du coup, un Laurent Ruquier qui fait ça... Il y a eu... Faut chercher sur Internet, il me semble que c'est... Philippe Poutou qu'on a parlé. Effectivement, il y a eu un accro avec Philippe Poutou parce qu'on s'est moqué de lui ouvertement et de ses idées, de son programme. C'est indécent, quoi. Et après, il en a reparlé. Et moi, personnellement, je trouve ça indécent. Ben c'est pas normal de voir ça. Encore une fois, on est sur le service public, on est sur France 2. Et c'est absolument pas normal, c'est choquant. La chose étant qu'il en a encore parlé après, et en fait il a expliqué comment ça s'était passé avec la prod, etc. À la base il devait avoir 20 minutes, il a eu 10 minutes ou un truc comme ça, et il a expliqué comment ça s'est passé, et clairement c'est pas la loi qui l'a décidé, c'est la prod, en fait. Là il y a un gros problème, on est sur le service public, les gars, enfin, c'est pas normal. J'adore, on est en train de refaire le monde, c'est mortel. Mais par contre, vous m'avez saoulé. C'est pas ça. Non, mais super, on parlait de la radio et on a dévié un peu plus sur les médias, etc. Moi, je trouvais ça très intéressant. C'est formateur. Écoute, je vous propose. Pouf. Allez, tu vas y arriver. Je vais reprendre. Je vous propose de se mettre un petit peu de son. Ali, tu as amené un petit morceau avec toi, me semble-t-il. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait, s'il te plaît? Pour Alors, l'introduire. J'ai apporté une chanson, oui, parce que. Un chanson, ça marche. Oui, parce bien. Qu'un chanson, c'est compliqué. Une chanson d'une artiste qui s'appelle Gisèle, qui est une chanteuse qui a signé il y a quelques années chez Wild. Wild Records, qui est une maison de disques américaine qui produit exclusivement du rockabilly, pour information. D'accord. Okay. Voilà. Qui se trouve sur Los Angeles, où il y a beaucoup de très bons artistes qui regroupent. Ils sont extrêmement jeunes, en fait. Elle, par exemple, elle a dû commencer vers l'âge de 23 ou 24 ans, quoi. D'accord. Aujourd'hui, elle a 30 ans et c'est une artiste internationale. Et elle est signée chez Wild. C'est un gros label de rockabilly. Oui, c'est un gros label qui produit très bien ses groupes, qui les vend très, très, très bien, qui organise beaucoup de concerts partout, aussi bien en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, partout. Et j'ai eu la chance de rencontrer donc, cette jeune femme en décembre dernier, à un concert qu'elle a fait en Stuttgart. D'accord. Et là, c'est une chanson qui s'appelle Baby Please Don't Go, qui est une reprise que tout le monde connaît. Donc, je vous laisse écouter ça. Eh bien, écoute, on va s'envoyer ça. C'est parti. Nous voilà revenus après un Baby Please Don't Go de Fort Bonaloi par Gisèle. Voilà, exactement. Il me semble que tu avais quelque chose à rajouter. Oui, alors en ce qui concerne la maison de disques Wild, alors elle regroupe aussi donc, certains artistes comme elle qui font du rhythm and blues. Okay. Et c'est vrai qu'elle est très très forte dans son style. Je pense qu'on a pu entendre à sa voix. Elle a une voix qui est juste sublime. Autant en format stéréo qu'en format live. C'est juste extraordinaire. Et ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, c'est sorti dans les années 2000-2010. C'est extrêmement récent. Voilà. Ça sonne très très. Et très, la particularité de Wild, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils enregistrent beaucoup de leurs groupes avec ce son du vinyle. C'est quelque chose qui se fait aujourd'hui dans ce milieu. C'est vrai que le son, comme on peut dire vintage, c'est vrai que ça marche bien. Mmh. Et c'est vrai que ça, on arrive à garder donc cette authenticité et c'est sympa quoi. Ouais. Et c'est sympa. Donc juste pour revenir sur le morceau, c'est quand même un morceau qui de base date de 1935, okay. quand même à l'origine. Ouais. Puisque c'est vrai que l'auteur original du morceau s'appelait Joe Williams. D'accord, Joe Williams, voilà. 1935. Voilà, exactement. C'est dingue parce que ça sonne très actuel en fait, c'est et vrai. Ça a quasiment un siècle. Exactement. J'adore. Et elle est très très incroyable. Ce qui est l'inverse de ce qu'on énonçait avant, de quelque chose d'un projet qui est actuel et qui sonne comme dans les années 30 quoi. Effectivement. C'est marrant, le jour on parlait de Robert Johnson et des enregistrements qu'on a pu retrouver justement des années 30 qui sont juste incroyables. Des bluesmen quoi. Bah oui, et ça joue et ça chante pas, ça se plaint, c'est écoutez ça grand, vraiment. Quoi. On retrouve cette couleur là-dedans. Ouais. Je trouve ça mortel. C'est une on certaine chaleur. Un petit coup tout à l'heure un petit Robert Johnson tout à l'heure. Ouais, pourquoi pas. Je crois que On se fera ça après. Ouais. Johnson, puisque tu bien. As la parole, Ali, je te suggère de la garder. D'accord. Alors, je vous avouerai que ma venue dans cette émission, je n'ai pas forcément réfléchi à un sujet. Je me suis dit, je vais arriver. Tu es virée. Elle n'a pas travaillé. Une très mauvaise élève. Pardonnez-moi. J'ai accepté de venir. Donc déjà, merci à Paul, merci à Étienne, merci à Kim. C'est un pouce en l'air. Voilà, c'est deux pouces en l'air pour moi aussi. Ouais, pouce en l'air aussi, là, ouais, les deux. C'est un véritable plaisir de venir. Voilà, je suis assez flattée pour l'invitation, donc c'est cool. Tu es la première. Et d'ailleurs, à propos de ça, moi, je vous propose, vu que Ali est notre première guest, d'en faire tout simplement la première dame du 4K. C'est un insigne honneur. Avec parce plaisir. On va peut-être pas choisir notre président, mais on peut choisir notre première dame. Et ce serait à l'unanimité. Et c'est avec plaisir que j'accepte ce rôle. Parfait. Nous avons notre première dame, les gars. C'est beau. C'est beau ce qui vient de se passer sur le plateau du 4K. Je crois que je vais verser une larme. Où est ma couronne, s'il vous plaît? Où est ma couronne? Oui, par contre, tu t'énerves pas. Hein, parce que là, c'est pas l'Elysée, là, c'est le RSA. Ça n'a rien à voir. Merde. Redescends, s'il te plaît. Merci. Donc, ouais, comme je disais, c'est vrai que je connaissais un petit peu Étienne. Hein, pour raconter un petit peu nos vies, Étienne. Hein, nos vies passionnantes. Voilà, exactement. On s'est rencontrés à un festival de Écrêteville-les-Bains. C'est ça, près d'Ifto. Proche de Ifto, où j'avais fait un petit concert avec Alien de Gators. Paul, toi, je ne te connaissais pas. Aujourd'hui, fais ta rencontre. Nous non plus, t'inquiète pas, on ne sait pas ce qu'il fait là, franchement. Je suis enchantée de te connaître. Et c'est dommage, vous n'avez pas l'image, mais il a des magnifiques cheveux, il a un superbe bonnet. Et une voix. Il est rouge, il rougit, mon frère. C'est un truc de dingue. Je crois qu'il y a des tomates qui vont être jalouses. Non, mais il est choqué, Paul. Mais t'es le plus jeune, Paul, non? Je suis le plus jeune, ouais. Je suis le petit bambin. T'as des poils? Ça commence à pousser. Ah, c'est bien, ça. Je me fais intimider par mes petits camarades. C'est étrange. Ali, quel âge tu as, Paul? Moi, j'ai 23 ans. T'as 23 ans? Oh, mon Dieu, je pourrais être ta mère. Je pense que Paul ne va pas être en recherche très longtemps. Mais ça fait jeune pour avoir un enfant. Ouais. Alors, moi, je veux bien être la doyenne, si vous voulez, donc de l'émission à la place. Non, la première dame, c'est vachement plus classe. La reine mère. La reine mère. C'est méchant. Hakim, que je connais déjà depuis longtemps, je pense. Depuis une petite paye maintenant. Depuis, ouais, une petite paye, un gros paquet. Hein, ouais, un bon paquet d'années, ouais. Un bon paquet. Ouais, en tout cas, on te le souhaite. Oui, je reformule, un bon paquet. Merci pour la remarque. Ça fait un petit moment. Et donc, oui, comme je disais, moi, je ne vous connais pas. Je ne connais surtout pas non plus votre activité, votre formation. Donc, j'en ai entendu parler un petit peu par Hakim, puisque bon... Parce que du coup, on se connaît. Exactement. Mais je tombe des nues. Non, c'est la toute première fois que je viens ici. Non, c'est pas vrai. Mais juste, c'est vrai que je connais pas votre activité et j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui vous a amené à faire cette formation et surtout si vous pouvez expliquer aux gens qui nous écoutent en quoi elle consiste, cette formation. Moi, ça me fait marrer parce qu'en fait, c'est ça, on le répète, mais à chaque fois qu'on a un nouvel intervenant qui vient pour nous donner des cours, ça doit faire 10 fois chacun qu'on va répéter la même chose. C'est vrai. C'est un peu ça, ouais. C'est pas ouais. faux. Mais, mais c'est logique, en fait. Et en fait, c'est logique, ouais, parce qu'on doit tous décrire notre parcours et à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Alors, si je peux me permettre, je pense que ça signe, excuse-moi Étienne. Il n'y a pas de souci. Là, je rentre dans une formation pour être formatrice pour adultes. Alors, peut-être que je rentre dans dans ma voie. Okay. Voilà, avec toi aujourd'hui, Paul, je commence avec Parce que le 4-4, ça a beau être bon, il faut que ce soit utile aussi. Et oui. Et juste, je me permets, avant de parler de nos parcours respectifs, on parle d'une formation depuis tout à l'heure, mais on ne sait pas laquelle. Donc, Paul, puisque tu vas avoir la parole, ce serait cool que tu fasses un petit topo sur ce qu'on fait, Hakim, toi et moi. En ce moment, c'est-à-dire dans cette formation quoi. Bah oui. C'est-à-dire maintenant, là, tout de suite. Exactement. Alors, tu es rédacteur de bail. C'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Alors, et cette formation, c'est quoi? C'est la formation du SEM qui est née il y a 3 ans, je crois. C'est ça. T'es pas obligé de renverser toutes les bouteilles non plus. Hein. C'est une formation son lumière plateau où on apprend les bases, je crois, des métiers du spectacle. De l'événementiel et du spectacle vivant. Mmh. C'est pour moi c'est juste trop intéressant parce que j'étais pas vraiment dedans avant. J'ai fait quelques stages en son, mais ça m'a permis de découvrir d'autres aspects des techniques du spectacle. C'est là-dessus qu'on se rejoint pas forcément avec Hakim parce qu'on n'a pas la même expérience. C'est là où moi je trouve que justement c'est très intéressant, c'est qu'on a tous un parcours qui est complètement différent, mais on va au même endroit et même si on prendra des chemins différents, on va au même endroit et surtout on a tous la même dalle en fait. C'est ça, exactement. C'est vrai que quand on regarde toutes les personnes qui font cette formation, on a tous la dalle, exactement. Ah ouais. On a tous envie de réussir ce truc et de se retrouver en fait plus tard sur des plateaux. Au Stade de France. Avec, ouais. Avec Paul, on va casser des néons. On fera ça. Avec Johnny Hallyday. Allumez le feu. Ouais, va falloir qu'on se dépêche. Hein, ouais. Et allumez le feu. Voilà. On va retourner le Stade de France, on va le déconstruire. Pourtant, je suis plus Eddy Mitchell, moi. Ah, monsieur Eddy. Mais pourquoi quand on pense à Stade de France, d'ailleurs, on pense à Johnny automatiquement? Parce que Johnny, c'est le boss du game. C'est une bonne question. Ah ouais, Johnny, c'est juste le boss du game, en fait. Ouais. Je pense que Paul n'est pas d'accord. Il va nous dire, non, oui, mais moi, je suis Eddy Mitchell. Ouais, non. Le rideau sur le cou est tombé. Il va nous dire, j'ai jamais été jeune, moi. Voilà. Bon voilà, Eddy Mitchell c'est le meilleur. On est d'accord. Monsieur on n'a pas Eddy, parlé de Dick Rivers encore. Hein. Ouais, mais c'est pas le même niveau là tout de suite. Mais Monsieur Eddy, voilà. Donc je crois que je sais pas si vous avez des précisions à apporter. Moi je pense sur Eddy Mitchell. Non, sur la formation. Sur Eddy Mitchell, moi je m'en remets à Paul Charol. Ouais. Je peux rien dire de plus sur Eddy Mitchell. Tout est dit. La dernière séance quoi déjà. Enfin, c'est pas mal ça. Tout est dit. Jury quoi. Quoi? Oh putain, j'ai eu du mal à la voir, mais voilà, elle est excellente. Elle est belle. Je suis vraiment très fort et le pire, c'est que c'est sans le vouloir. Hein. Exactement. Oh, la rédaction de bail en live. Ouais, grave, ouais, carrément. Je suis un peu le papa, tu peux le dire. T'es le papa. Oui, merci. Le papa. Bah, je sais pas, ouais, des précisions. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte mon parcours à moi perso avant d'arriver en formation? Oui. D'accord. Le mec s'enjaille direct. Je pensais plus à des précisions sur la formation. La formation, mais alors avant tout, si je peux me permettre, juste pour savoir, parce que bon voilà, moi je m'y connais absolument pas, mais est-ce que c'est une formation qui est qualifiante? Vous avez un diplôme, un réel diplôme à la fin? C'est comment ça se passe, Étienne? Je vois que tu joues avec ton micro. Non, je joue pas avec mon micro, c'est parce qu'il était en train de se casser la gueule parce qu'Hakim se foutait de la mienne. Voilà, justement. C'est ça. Mais pas du tout. Gueuleception. Non, mais c'est parce qu'il doit penser que j'ai une énorme envie de parler de moi, ce qui n'a rien non, à voir. Non, mais non, c'était juste une vanne. C'est que de l'amour. C'est juste que je ne comprends rien. C'est que de l'amour. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là, Étienne? Je ne sais plus. Qu'on me présente un divan et je me mette en PLS. des précisions. Alors, c'est une formation qui est effectivement diplômante. Oui. Merci de suivre, Hakim. C'est très bien. Merci, Hakim. Non, mais des fois, je suis. pour le coup, c'est une formation donc, qui est financée par la région Haute-Normandie, qui est dispensée par le CEM, donc École de musique au Havre. C'est la région de Normandie, même maintenant, la grosse Normandie. Ouais, mais j'ai du mal. Je te jure, j'ai du mal à m'y faire. T'inquiète pas. Je l'ai pas encore vu sur une carte. Il n'y a plus de frontières. C'est terminé tout ça. On est tous des hippies maintenant. Qui me fait partie faire. On est tous des hippies. On est obligé d'aller en teuf ou pas? Je sais pas. Ouais, je suis pas chaud. Hein. Mais voilà, pour le coup, donc financé par la région Normandie et dispensé par le CEM, École de musique au Havre. Et du coup, le diplôme, en fait. Et validé par le Grimedif, qui est un organisme de Lyon. En fait, c'est eux, j'ai pas tout à fait compris comment ça se passe, mais en gros, c'est eux qui peuvent donner la. Voilà, c'est ça, ils ont en fait le CEM a un agrément pour délivrer un titre. Exactement. Un titre profond pour délivrer la formation, et le titre est à la fin délivré par le Grim, qui est donc l'organisme de formation situé sur Lyon. Voilà. D'accord, mais c'est une formation qui est très longue, d'après ce que je comprends, parce que c'est 9 mois. Toi, ça fait déjà un petit moment que tu es dedans. C'est 9 mois avec des stages. 3, oui, effectivement. Il y a 3 stages, d'accord. 3 stages de 3 semaines. Donc, dans immersion, dans des structures qui travaillent dans le secteur du spectacle vivant et de l'événementiel. Donc, ça peut être soit des salles de spectacle, soit des entreprises de prestations audiovisuelles. On n'a pas eu le cas, mais je pense qu'il y aurait la possibilité de le faire avec des projets qui tournent, peut-être. Je ne sais pas, j'en sais rien. Moi, c'est vrai que c'est compliqué d'être dans des réseaux de sociétés de production qui font tourner des spectacles, mais ça pourrait être intéressant une immersion dans ce cadre-là. Ouais. Ça pourrait être très intéressant. En même temps, je pense que la difficulté peut être de trouver... que ce soit une compagnie ou un groupe ou un label ou quoi, qui fait assez de dates au moment où tu fais ton stage, en fait. Ouais. Parce que y a un moment donné où il faut quand même que tu sois en immersion un minimum d'heures. Oui. Donc, si c'est pour, sur 3 semaines, faire 3 dates, voilà, c'est pas forcément... Ouais, c'est sûr. Même si c'est intéressant au niveau de l'expérience, c'est pas forcément intéressant au niveau du cadre dans lequel tu as cette expérience-là. C'est-à-dire une formation où tu as quand même non pas une obligation de résultat, mais tu as un diplôme à la fin. Enfin, on demande quand même de travailler pour ça, quoi. Oui. Donc oui, comme dit Étienne, ça peut être super intéressant, mais pas forcément facile à trouver. Mais dans tous les cas, il faut que ça reste dans le spectacle vivant. Forcément, oui. Donc, si tu veux faire du son de studio et que tu veux faire des stages dans des studios, bah, en fait, t'es dans du spectacle vivant, donc même si le studio c'est très très proche, ça reste pas du spectacle vivant. Cette formation serait pas forcément adaptée pour quelqu'un qui voudrait essentiellement arriver à travailler en studio, quoi. Pas dans l'immédiat, mais par contre, c'est absolument pas inintéressant. Puis ça peut aussi éveiller des envies, peut-être, d'aller jouer live. Parce qu'en vrai, ce sont les mêmes outils, ils sont pas utilisés de la même manière, pas dans les mêmes conditions. Mais l'exercice de la prise de son en studio se fait avec des micros, des câblages, des consoles, avec tout le matériel qu'on utilise en live, mais dans des conditions qui sont extrêmement différentes. Donc ça peut même être un prérequis, un acquis d'expérience extrêmement intéressant pour précéder le studio. Ouais. Parce que c'est pas du tout la même manière de faire Bien sûr que non. En studio et il faut beaucoup plus d'expérience, je pense. Ouais, donc c'est un savoir-faire qui est différent encore, quoi. Voilà. Et puis en plus, aujourd'hui, avant c'était possible à l'époque des Beatles de faire que du studio. Aujourd'hui, en ayant discuté de ça avec des professionnels, apparemment c'est plus possible de faire que du studio. On le voit, les grands studios parisiens, ils ferment les uns après les autres. Le studio va se transformer, en fait, est en train de se transformer. Et puis, il y a un truc aussi qui est intéressant à noter, c'est que pour les Beatles en particulier, il y a un moment donné où c'était plus possible de faire du live. C'est que les fans hurlaient tellement dans le public que les mecs ne s'entendaient plus chanter. Et au bout d'un moment, se sont dit, mais en fait, ils sont pas là pour nous écouter, ils sont là pour nous voir et nous, on veut qu'on nous écoute. Je crois, ouais. Dernière date des Beatles, 65, le Shea Stadium. D'accord. Je crois que c'est ça, ouais. Déjà, c'était dans un stade de baseball. Ouais. Donc, il faut imaginer la dimension du lieu. Je crois que c'était en 65 et je crois que c'était au Shea Stadium. Et sorti du concert, les Fab Four, du coup, ouais, disent c'est bon, on arrête de jouer, on s'entend même pas, ça sert à rien, quoi. Ouais, ouais, non, mais pas, c'est. Plus, pas par snobisme ou par, par lassitude, mais juste à cause de la problématique technique. Ouais. Et de la sonorisation. De la sonorisation, et puis surtout du succès qu'ils ont eu, parce que quand tu regardes les images d'archives, c'est quand même incroyable. C'est un truc de taré, ouais. Je pense que c'est quelque chose qui, j'imagine, doit être étudié en sociologie ou en anthropologie, etc. Et j'aimerais bien lire des études là-dessus, pour le coup, si jamais il y a des gens là qui nous écoutent sur Internet et qui ont un putain de lien trop bien là-dessus, envoyez-le. Mais, sur le phénomène sociologique qui est la Beatlemania, en fait. Eh bien, écoute, figure-toi qu'il me semble que l'université de Liverpool, d'accord, délivre un master en Beatles. En Beatles. Ouais. Et je crois que c'est pas une blague. Ça, c'est bon, je ça. Crois que c'est pas une blague. Donc, écoute, il faut que tu trouves un appart, un logement étudiant, tu gardes 5 ans de ta vie et tu vas nous passer un master en Beatlemania à l'université de Liverpool. Et alors, c'est marrant que tu parles de ça. Pour les consommateurs de YouTube, il y a un gars qui s'appelle Doc Seven qui fait des tops très très sympas pour le coup, très référencés. Avec beaucoup d'infos dedans, qui a fait un truc justement sur les cursus incroyables comme ça, comme les Beatles, tous ces trucs-là qu'il y a dans le monde. Genre, j'ai pas d'exemple en tête, allez voir la vidéo, c'est juste à mourir de rire. Il y a des. Dans des universités, tu peux faire des masters de tellement n'importe quoi. Ouais. C'est génial. Mais tu vois, un truc sur les Beatles, bah ouais, effectivement, sociologiquement, anthropologiquement, c'est super intéressant comme phénomène. Après, et d'ailleurs, je suis sûr que ce master, en fait, tu peux sûrement le passer en ligne, en fait. Aujourd'hui, les universités, elles mettent leurs cours en ligne. Mm-hmm. Et alors, attends, t'es quand même en train vraiment d'essayer de m'engrainer pour faire ça. Non, pour le prochain 4K, t'es obligé d'avoir ce master, en fait. Sur un CV, c'est la classe. Ouais, grave. Sur un CV, c'est la classe. D'ailleurs, j'aurais même plus de CV, j'aurais juste mon diplôme, tiens. Exactement. Et du coup, pour revenir au propos initial, initial, qui était le studio et l'évolution du studio. Donc, les Beatles sont arrêtés de faire des concerts au milieu des années 60. Mais si les Beatles avaient continué à faire des concerts, ils n'auraient certainement pas fait évoluer le studio de la même manière. Ouais. Parce que c'est grâce à eux que le studio est devenu un instrument, finalement. Bien sûr. Et que le producteur a pris un rôle extrêmement important. George Martin. Pour ne citer que lui, du coup. Exactement. Parce que c'est vrai que le fait qu'on mette des tissus dans la grosse caisse, par exemple, ça vient des Beatles. D'accord. Rien que ça. Et juste ça, il y a... très peu, enfin c'est juste maintenant c'est un must, en fait c'est extrêmement courant de mater sa grosse caisse avec un oreiller, un tissu, ouais, carrément. Ça c'est les Beatles, quoi. Là, il me semble, moi ouais, plus, moi c'est je pareil le découvre aussi, hein. Il me semble que c'est et c'est juste extrêmement courant maintenant, et toutes les autres évolutions qu'il y a eu suite à ça, quoi, rien qu'Abbey Road qui est enfin voilà, toutes ces chambres de réverb qu'il y a, toutes les réverbères, c'est juste incroyable, c'est impressionnant, c'est en fait incroyable. Ce qui est même super marrant, en fait, j'aimerais le visiter, moi. Ouais, bah oui, parce que déjà c'est mythique, c'est un endroit où il y a tellement d'albums qui ont été composés, ouais, produits, enregistrés. Ce qui est marrant, c'est que les Beatles, en rentrant à Abbey Road pour la suite de leurs enregistrements, étaient déjà dans l'idée de ne plus faire de concerts. D'accord. Et le fait d'enregistrer avec des méthodes et de ne pas pouvoir les reproduire sur scène par la suite, en sachant pertinemment qu'en enregistrant des orgamons, en enregistrant des solos et en les réversant, les passant, ouais, à l'envers et tout, et donc pas pouvoir reproduire les choses sur scène, ça les a confirmés dans leur volonté de ne pas faire de concert. Moi, pour le coup, j'ai une question, parce que pour être clair, moi, je ne suis pas du tout sondier, je ne m'y connais pas là-dedans, mais ah bon, est-ce que... on ne s'en serait pas douté, dis donc. Est-ce qu'aujourd'hui, techniquement, c'est possible de faire jouer les Beatles sur un album comme Sgt Pepper ou comme Abbey Road ? Est-ce que techniquement, on pourrait reproduire ce qu'ils font en studio avec toutes les nouvelles technologies qu'il y a de diffusion de son, quoi ? Bah, rien que le reverse, ça restera impossible pendant longtemps, je crois, parce qu'on ne peut pas... Tu ne peux pas anticiper... D'accord. Bah, le reverse, forcément, c'est une inversion du temps. Donc tu peux même pas... avec les outils de DJ, machin... Sauf si tu passes une bande et que tu la synchronises, le reverse, ouais, il n'y a pas techniquement de solution. Tu as des effets, des délais qui te permettent de reverser un son. C'est-à-dire que tu envoies un son et il te revient avec un temps un temps, un écart, mais à l'envers. D'accord. Donc forcément minimum, enfin je sais pas si tu comprends ce que je dis en fait. Ouais, je visualise un peu. C'est pas extrêmement radiophonique ce qu'on est en train de faire, mais voilà, le revers c'est possible gros, sur une gros, distance voilà. donnée, sur un okay. temps donné. D'accord. Bah alors du coup, je pense que ta question c'était est-ce que on peut faire avec les Pink Floyd, les Beatles, avec les Beatles ce qu'on a fait avec les Pink Floyd, l'absurde si en vrai. Voilà. Ouais, pour le coup, non mais c'est vraiment en fait moi là du coup je suis en train de me dire que finalement si on arrivait à faire ça. Ce serait tellement millimétré qu'il n'y aurait plus la jouissance du live qui est de jouer en vrai. Quoi. Et on verrait des concerts. Alors, j'adore, mais on verrait des concerts à la Kraftwerk. Alors, pour Kraftwerk, c'est très bien, mais si je vais voir les Beatles, je ne veux pas voir Kraftwerk. Tu vois ce que je veux dire ? Si je vais voir Kraftwerk, je ne peux pas... je peux pas me dire ah, putain c'était froid c'est chiant enfin non c'est le but même de leur live. Maintenant si technologiquement on arrive à faire ça et que ça rendait les Beatles comme ça, c'est pas intéressant non plus d'y aller. Bah non. Okay. Mais ça va fleurir un jour les hologrammes des Beatles. Et... Ah ouais, non, mais déjà, tout là, pas. Les mecs, ils ont abusé Tupac, Jean-Luc Mélenchon. Sérieux. C'est horrible. Puis il y a eu cette espèce de tournée là. Il y a eu une tournée avec un autre Michael chanteur Jackson, là. Ouais, Michael Jackson aussi l'a fait. Moi je sais. Oui, c'est enfin, fait, ce que j'allais dire. Ouais. L'a fait, lui, il n'a pas trop décidé. Il n'y a, pas que Michael Jackson, il y a aussi des chanteurs des années 80. Là. Il y a une tournée qui a coûté. Dont les billets étaient. Il y a surtout, si je me trompe pas, je crois que c'est Helen Segarra qui a sorti un album avec. comment il s'appelle lui, c'est pas Mike Brandt avec Joe Dassin. Ah oui, genre, ils ont fait des clips, enfin tu sais, genre ils ont fait des duos virtuels et ils ont fait des clips où Joe Dassin est dans les clips en mode image de synthèse, mais laissez-le là où il est quoi. Ouais, c'est ça. Et il me semble que la tournée dont je parlais juste avant, c'était Claude François, effectivement, qui est mort. Et... C'est incroyable. Oui, parce que Claude François est mort. Je suis désolé de vous l'apprendre. Mais effectivement, il me semble qu'il y a une tournée du même tonneau. Est-ce que j'adore cette expression voilà. Et du coup, est-ce que j'ai le droit de dire qu'ils ont refait vivre Claude François sur scène grâce à la lumière ? Non. Je sais pas, c'est un peu... Je pense qu'avec cette idée, Hélène s'est perdue. Et du coup, Hélène Segarra. Ils ont abusé, ils ont beaucoup trop abusé sur cette affaire-là. Ils ont beaucoup trop abusé. C'est vrai. Que, comme tu dis, peut-être qu'on peut redonner vie grâce à la lumière. C'est intéressant ce que tu as dit. Après, je disais ça parce que Claude François, Mais non, mais la question, elle est là. Est-ce qu'on peut redonner vie ? Moi, j'ai jamais vu d'hologramme en vrai. Est-ce qu'on peut redonner vie à Michael Jackson ? Ah, je pense pas. En le mettant en hologramme. Je pense pas. Parce que tu vois, pour Tupac, par exemple, si je me trompe pas, j'ai lu ça. Ils ont. Oui, les mecs ne vérifient pas leurs infos, c'est un truc de ouf. Pour le coup, pour Tupac, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un mec, ils ont filmé un mec qui avait sa gestuelle, quoi. Ah ouais. Tu vois, mode Gollum. Enfin, tu sais, c'est un truc de ouf. Et ils ont foutu sa tronche dessus. En fait. Bah ouais, donc. Enfin, parce qu'on n'a pas. On n'a pas autant d'images filmées de Tupac plein pied, tu vois, dans une putain de haute def de l'époque. Quoi. Il est mort en 94, le gazier. Donc, il y a un truc qui moi, de base, en fait, me répugne, mais m'enjaille pas, c'est que, bah, de toute façon, c'est pas la personne que je vais voir, quoi. Quoi qu'il arrive. Alors, des fois, c'est intéressant dans les films quand t'as des biopics où bah, c'est quelqu'un d'autre qui joue le rôle de quelqu'un de connu parce qu'il y a une interprétation, parce qu'il y a une volonté et un propos artistique. Mais un hologramme, quoi. Enfin, laisser ces gens-là où ils sont, ils nous ont laissé en héritage de la musique incroyable, tant pour Tupac que pour Joe Dassin, tu vois. Mais, ouais, mais tu vois, même Claude François, en soirée, tu fais danser tout le monde. Ah bah, tu vois ce que je veux dire. Alors, Hélène Segarra n'est pas morte. Hein. Elle n'est pas morte. Je le précise pour les gens. Ça me rappelle une chanson de Stupiflip où il mentionne Hélène Segarra, tout à fait. D'accord, trippant. Les mecs ont fait ça. Ils ont fait ça, ils ont osé. D'accord. Est-ce qu'on pourrait pas se la mettre ? Parce que moi je l'ai jamais entendu. On parle bien d'une chanson. Alors là, on parle bien d'un apéro ou comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut pas se la mettre ? Vas-y. Bah écoutez, allez, on va retrouver le son de Stupéflip. C'est comme vous voulez vous choisir. Hein. Ok, et pour revenir du coup à la discussion de base, quand même, parce qu'on lui a absolument pas répondu à notre première dame, c'est que. Oui, merci. Effectivement, le studio et le. Et on le s'est live perdu sont deux aussi. Exercices différents, mais passer par le live, et passer par une formation qui va t'apprendre comment ça se passe en live, ça peut être effectivement un premier pas vers plus tard une démarche de studio. D'accord. Waouh. Donc c'est pas c'est... improbable. Et okay. C'était très bien dit. Oui, et je pense que tu es le nouveau papa, Kim. Nouveau papa. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Papa you. Voilà. Et papa du coup... Ça c'était pour Carlos. Du coup, qui est lui aussi dans nos cœurs. Du coup, Ali, est-ce que tu as d'autres questions ou pas? En ce qui concerne votre activité, non. Par contre, j'ai juste omis de te poser la question que j'ai posée à Paul tout à l'heure. Quel âge as-tu, mon cher Étienne? Eh bien, je suis dans ma 28e année. Et que fait ton papa et ta maman? Eh bien, papa, il a la caméra là-bas. Et maman... maman... Et maman... Maman. Maman, elle est là, elle est à côté, mais... Non, non, j'ai 27 ans, du coup, je vais avoir 28 ans très bientôt. D'accord. Donc, c'est une formation, il n'y a pas forcément d'âge requis. Voilà, c'est ça, sa force, en fait. C'est qu'il y a un grand bâton. Il y a un brassage, en fait. Ouais. Ouais, c'est cool, ça. Et puis, mais moi, à la base, moi, je pensais que ce genre de formation n'existait pas forcément et que son expérience, elle se faisait, et l'apprentissage se faisait sur le tas. Hein, parce que moi, j'ai un tas de potes de ma génération, à moi en tout cas, qui ont appris vraiment sur le tas, en fait. Hein. Qui aujourd'hui travaillent à la mairie, qui font des scènes. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que c'est une formation qui évolue sous tous les rapports, en fait. Enfin, c'est un métier, pardon, qui évolue sous tout rapport et qui nécessite déjà rien. Moi, la première chose à laquelle je pense quand tu me parles de ça, c'est à la numérisation des outils. Exactement, c'est exactement ce que je voulais aborder. Ouais. Et ça, c'est des personnes pas forcément des amis à toi, mais des personnes qui ont un âge un peu plus avancé, qui ne sont pas forcément accoutumées à la numérisation. Je ne suis pas vieille non plus. Non, mais, non mais bien sûr. Non, mais, c'est pour ça que je prends la précaution de préciser. Mais des gens qui n'ont pas forcément la politique et la fibre de l'informatique, du numérique, qu'on peut manipuler des ordinateurs dès leur plus jeune âge comme nous on a comme pu nous, le faire, forcément on va être déstabilisé face je pense au son, parce que au son et même à tous les outils du spectacle, c'est ça, ouais. Parce que en fait il y a un moment donné où on se sert vraiment de la technologie récente et que ça évolue à une vitesse incroyable. Ouais. Même tu vois, nous qui sommes pas dans ces métiers-là depuis très longtemps, on est dépassé déjà. Bah on se dit, enfin tu vois, c'est un truc bête, mais j'ai commencé il y a 2 ans, il y a des termes que j'entends aujourd'hui que j'entendais pas il y a 2 ans, ouais. et je suis un tout petit bébé dans le game, quoi. C'est ça qui est dingue. Et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un essor de la formation en général autour du spectacle vivant. Ouais. Oui, mais c'est nécessaire, je pense aussi, parce que... Bah, de pouvoir prendre le temps de se poser devant des outils de formation et de s'y entraîner, en fait. Ouais. C'est un métier, les métiers du spectacle, qui nécessitent énormément d'auto-formation. Oui. Exactement. Et une veille permanente. Et du coup, le fait d'avoir des temps dédiés à ça, sans avoir pour autant à se concentrer sur autre chose en parallèle, bah c'est super pratique, vraiment. C'est pour ça que c'est bien de faire de la formation. Enfin, j'ai un peu de mal à l'exprimer, mais... Pour le coup, y a un de nos intervenants, alors il m'en voudra pas, je me souviens plus c'est lequel, qui a dit quelque chose que je trouvais extrêmement pertinent, qui disait que ce qu'il faut pas oublier quand tu es intermittent, c'est que les moments où tu bosses pas physiquement, t'es pas sur une date... t'es pas sur un concert, t'es pas en tournée ou quoi, c'est ces moments-là justement où tu dois t'auto-former, et c'est pas des moments de repos, t'es au taf. T'es au taf, tu vas passer ta journée chez toi à trifouiller le soft d'une console, ou à trifouiller du son, ou à travailler là-dessus, c'est du taf. Parce qu'il faut que tu t'auto-formes en permanence. Et je trouvais, il me semble que c'est Bruno qui a dit ça. Bruno Régnier, si tu nous écoutes. Oui, je pense, coup, ouais. Grand papa de la lumière. Et bah pour le coup, je trouvais ça archi pertinent. C'est en vrai, fait, ouais. Parce que et la formation en fait de base, là, ce qu'on est en train de faire, c'est super important parce que ça nous met le pied dedans, en fait. Et que là, je parle que pour moi, mais même au niveau de mes pratiques à moi, de mes loisirs, qui restent très liés à ces, comment dire, à ce domaine-là, que ce soit artistiquement ou autre. Pour le coup, ça m'a apporté des nouveaux outils pour travailler même personnellement en fait. Oui. Et c'est très très boostant parce que même si c'est très condensé et c'est très très dur parce que c'est condensé, bah, en fait, t'avances très très vite d'un coup, c'est grisant et ça ouvre des possibilités que tu peux pas avoir juste en auto-formation. Oui, oui, c'est sûr. Ok, Dac. Je pense qu'on a. On a fait le tour de. On a de répondu. La question. Bah écoute, c'est parfait. Ouais, pour quelqu'un qui avait pas de sujet. C'est franchement, pas tu viens des plutôt bien tiré. C'est pour ça que tu es la reine. La reine, la première dame. La reine du 4 quarts. La première dame, c'est plus joli. Je la première dame du 4 quarts, c'est vrai. Mais le problème de la première dame, c'est que ça laisse à penser que. Mais non, c'est même pas ça. C'est que la première dame en France, c'est l'épouse du président. Donc oui. c'est la femme de. Et je suis oui. pas. Tout à fait d'accord avec cette vision des choses. Donc c'est comme tu veux. Ah, tu m'as perdu. C'est un truc ouais, non, de dingue. J'ai bah, un doute c'est, aussi, moi aussi, ouais. j'ai un doute avec. Bah, il faut forcément un monsieur en fait. Alors que le reine, il n'y a pas forcément. Et bah là, il y en a trois. Monsieur. De quoi tu te plains? Tu vois, de quoi tu te plains? Eh bien, tu seras notre première dame du 4 carré. Je pense qu'on va pouvoir se mettre un petit peu de son. Donc le titre c'est quoi? Ah oui, effectivement on me réclame le truc pour faire le machin. Le oh, c'est bien ça, dis donc. Ça c'était alors, alors ce qu'il faut alors c'était ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut préciser tout de suite c'est que la formation on l'a pas fini. Hein. Ouais, voilà. Donc là pour l'instant les premières émissions des fois il y aura des petits trucs comme ça mais il y en aura toujours si mais on sait pas marrant. Et du coup Hakim, qu'est-ce que tu nous bah je pense avoir retrouvé le morceau de Stupéflip en fait. Je suis pas sûr que ce soit celui-là, mais j'ai envie de dire, on essaye. Bah écoute, c'est parti. Hein. Est-ce que tu peux nous donner le titre, s'il te plaît, ma poule? Ça s'appelle Style en creux. Eh bien, c'est parti, Style en creux, Stupéflip. Inestimable clé du mystère au chocolat. Ce n'est que quelques mois plus tard que le pitoyable King Ju se rendit compte qu'il ne pourrait jamais totalement assouvir son besoin de vengeance. Comme une salle fripe et craque comme une frite. Frotte-moi au cou, on me cloue comme la vie. Mais c'était stupéflip, hein. Dis-moi. C'était stupéfiant. Oh, c'était stupéfiant, ce truc stupéfiant. Eh bien, merci. Merci, Ali, pour cette interrogatoire. Merci à vous. Merci à vous. Interrogatoire, carrément. C'est ça, on s'est mis à table. Alors, RG, attends, interrogatoire, c'est ce qu'il a trouvé pour un moment agréable. Mais ouais. Alors, t'es déjà allé en GAV ou pas? Parce que ça va te faire bizarre. Hein. Pas du tout. Ok. Ah, tu m'as vu. Hein. Oui, attends, c'est pas faux. Est-ce qu'on se connaît? Non, est-ce parce qu'on se connaît, ça me dit rien. Moi, la garde à vue. Non, très peu pour moi. Très peu pour moi. Non. Mais effectivement, c'est le genre d'expérience qui est à vivre. Paul Je n'ai jamais fait de garde à vue non plus. Ah bah dis donc, mais c'est pas grave, parce que je sais que t'as préparé un petit sujet et que tu veux nous parler de ce qui te fait vibrer. Exactement. De ce qui te fait bouger. Exactement. De ce qui te fait... danser. Pour le coup, bouger, c'est... Merci de m'avoir coupé l'herbe sous le pied, parce que j'avais pas de troisième verbe, en fait. Donc c'est mortel. Et alors, du coup, je vais vous parler du rockabilly. Et le rockabilly, Ali, si t'es d'accord avec moi, c'est le rock. Le rock, c'est dansant. Enfin, oui, le rock and roll. Tout à fait. Et le rockabilly, c'est un truc qui est né dans les années 50, au début des années 50. J'ai vu, sur notre ami Wikipédia, pour changer, voilà, que c'était un peu né de la chanson d'Elvis Presley, That's Alright, Mama. Oui. That's alright, mama. Voilà, et que c'était un peu le premier très truc bon rockable, ouais, j'adore, qui est super, ouais. Bon, je l'ai pas choisi dans ma playlist, mais on se l'écoutera un de ces quatre. Et je voulais vous poser une question. Ça m'a choqué quand j'ai vu ça. C'est rockabilly, c'est un mot valise. Est-ce que vous allez savoir d'où ça vient? Alors, il va falloir que tu réexpliques le mot valise parce que je me l'image, mais je l'ai plus exactement. Un mot valise, c'est quand tu formes un mot avec deux autres mots. D'accord. Genre, je sais pas, j'ai pas d'exemple là. Genre, ce serait rockabilly. Un mot valise. En français, un mot valise. Non, c'est en anglais là pour le. Non, mais ouais, d'accord, ouais, mais pour expliquer ce qu'est un mot valise. Ouais, avec c'est ça. Ouais. Ah, mais je pense qu'en fait, mot valise, c'est un mot valise. Un mot valise, c'est un mot qui est composé exactement. De deux mots qui se succèdent. Là, c'est ça. Donc, mot valise est un mot valise. Par exemple. Ok, ouais, oui. Voilà, très bien. Tout c'est bien ce que j'avais... final, ouais, c'est... Voilà. C'est bien ce que j'avais en tête, ça me rassure. C'est bon. Tout à l'heure, quand tu nous as montré les animaux. Tony, les animaux, très bonne émission. Je ne sais plus quel était le nom de l'animal. C'était le tapis roman. Le tapis roman. Le tapis roman est un mot valise. D'accord. Tapis roman, donc le colibriquet. Voilà, c'est des mots valises. Ouais. C'est un calembour un peu particulier, comme ça. Voilà. Très bien. C'est le calembour est une très bonne image pour expliquer des trucs compliqués. Et allez voir Tony les animaux, c'est géant. On ira checker ça. Du coup, pour en revenir à notre mot valise, je suis désolé. C'est bien ça. Ouais, je voulais pas péter le truc comme ça. Je suis désolé. Merci Paul, merci. Et donc du coup... En fait, le rockabilly, c'est un mot valise entre rock'n'roll et hillbilly. Hillbilly, ouais. J'aurais dit hillbilly. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Bravo. Oui. Parce que hillbilly, ouais, c'est. Qui sont deux styles de musique, d'ailleurs, indépendamment aussi. Je savais pas. Je savais pas que le hillbilly était un style aussi. Oui, le hillbilly est un style de musique qui se joue principalement avec du banjo. D'accord. Avec du banjo. Et en fait, le principe des groupes, souvent à l'époque. Dans le hillbilly, pour citer un groupe du coin qui s'appelle les Muddy Hill Boys, pour le coup, il y a un micro central, comme un peu à l'ancienne, comme dans le film Oh Brother. D'accord, ah, c'est ok. Okay. Ça. Voilà. Alors, pour le coup, après, j'ai un truc à dire. Mais je vais faire un retour vers le futur, mais tu vois, il y a un des intervenants de notre formation, d'ailleurs, je crois que c'était. Pour les risques auditifs, qui nous a parlé en fait d'un groupe qui fait ça. C'était Olivier Met, ouais, effectivement, c'est il nous ça. A parlé. À tous les coups, c'est ce groupe-là en fait. C'est et il y a moyen parce que c'était un concert dans la région, genre à Évreux ou un truc comme ça. Ah oui, oui, c'est et, possible. Et je serais très content en fait. J'avais pas noté le nom et à ce qui paraît, c'est incroyable. C'est génial. Ils prennent c'est ça avec génial. Un vieux micro des années 50. Exactement, en plus bah, c'est un original. Hein. C'est pas une copie. Ouais, ouais. C'est l'original, donc le micro central. Il y a un chanteur au banjo, il y a une... alors, vous m'excuserez, mes amis musiciens, une espèce de guitare plate qui se joue comme ça. Non, putain, quand ça... merci, je me sens moins seule. C'est merci. Un lap steel. Voilà, un lap steel, voilà, merci. Et puis, donc, une contrebasse derrière, ils sont tous les trois chantés devant le micro avec okay. de superbes harmonies. Donc, le hillbilly, effectivement, à l'origine, est aussi un autre style d'accord. de musique. Moi, j'avais vu justement que c'était hillbilly, en fait, ça voulait dire, excusez-moi du terme, ça, en fait, c'est aussi un style de, comment dire, c'est un mot qui veut dire pecno en fait. Bah ouais, en... quand tu me dis hillbilly, je pense à Tom Sawyer en fait. Voilà, c'est. Et Huckleberry Finn, c'est alors... les hillbillies quoi. C'est... Oui. Pour moi, c'est eux. Est-ce que hillbilly, c'est un peu comme ce qu'on appelle les rednecks? Ouais, un peu, ouais. C'est ça. Oui, voilà. C'est, ça, voilà. C'est exactement ça. On peut dire ça, voilà, tout à fait. Donc voilà, le rockabilly, c'est né en fait de ça, c'est né du rock'n'roll et de, des inspirations de la. Un peu de la campagne en fait, j'imagine, de la campagne américaine. Le mélange de la paysanne attitude avec, voilà. avec le rock'n'roll. Et on n'a pas du tout la même, le même rockabilly dans les années 50 que plus tard quand il est revenu dans les années 80. Oui, tout à fait. Moi, quand on me dit rockabilly, c'est à celui des années 80 que je pense directement. Je pense au Forban. Voilà. Voilà. Et je pense les Forbans, aussi. Les Forbans, incroyables. Je pense surtout aux Stray Cats en fait. Oui, merci. Cats. Voilà, je parfait. Pense surtout aux Stray Cats. En termes de référence, effectivement, les Stray Cats, les Meteors, mais les Forbans, c'est plutôt le côté un peu. C'est le Patrick Sébastien du rockabilly, on va dire. Ouais. Et alors, pour faire une parenthèse, du coup, tout à l'heure, on parlait du groupe de notre cher ami Paul. Parce qu'ils l'ont Mashup. Ouais. C'est ça. Je sais pas comment ça se prononce. Ouais, Mashup. Ouais. Mashup. Et tu es le seul qui le prononce bien, en fait. D'accord. Ok, bah parfait. Champion. Et donc, j'ai pu écouter l'EP, c'est ça, hein, que vous avez sorti. Ouais, ouais. Et quand je l'ai écouté, j'ai envoyé un message à Paul en lui disant « Putain, ça me rappelle trop les Stray Cats ». Et je sais pas si c'est ça vos influences vraiment, mais moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très Stray Cats. Je fais juste... un placement pub comme ça pour dire mais allez écouter Mashup, c'est vraiment très très bien pour non, ça. Non, c'est nul, j'y allais pas. J'ai réécouté. Ouais, c'est con parce que j'ai plus de CD sur moi, je voulais t'en filer un justement. Ah bah, c'est con. On trouvera les moyens. Voilà, ouais. J'en filerai un. Si la reine, de toute façon, me réinvitera. Voilà, ouais, c'est ça. Exactement. Tu seras réinvité, ça c'est sûr. Et bah, je sais plus quoi dire du coup sur le Rocab. Je sais pas si t'as entendu parler des labels, Meteor Records. Oui. Des King Records. Oui. Sun aussi. Sun, oui, exact. Et là, il y a aussi des derniers nés comme Sleazy, etc., qui sont des maisons de disques qui sont un petit peu créées. Là, il y a eu dernièrement aussi, je vais essayer de ne pas me tromper sur le nom, c'est Ruby Records, okay. Qui a été créé par une chanteuse qui s'appelle Ruby Ann, une chanteuse de rockabilly. Qui actuel, a créé son label coup. Actuel, okay. Voilà, et qui a créé son label. Et si je me trompe pas, il y a Pat, un musicien de rockabilly qui fait partie de ce label. C'est vachement bien. Donc Pat Capocci, j'invite les auditeurs à aller voir si vous voulez faire un petit tour. Voilà, qui est un artiste ben, de peut-être... cette maison de disques. Ok, voilà. On pourra peut-être écouter un de ces trucs. Pourquoi pas? En fond, ouais. Musical, ça carrément, peut être ouais. Intéressant. Comment tu écris Capocci? Et du coup, et ben maintenant, je vais t'inviter à nous dire comment t'es arrivé dans ce monde du rockabilly, parce que t'y arrives pas comme ça, c'est pas possible en non. fait. Alors, c'est pas ta famille qui t'a mis dedans. Non, parce que c'est une histoire, alors pour le coup, un peu incroyable. Je vais faire un petit clin d'œil à mon contrebassiste, parce que je peux dire que tout vient de lui en fait. À l'origine, moi, je suis issue d'une famille où la musique est très importante, en tout cas pour mon père. Et mon père était extrêmement fan de musique black américaine. Donc, tout okay. ce qui était lié à la Motown, les Ray Charles, les Marvelettes, etc. Moi, j'ai toujours écouté ça. Tout ce qui était funk, etc. Lui, il adorait ça. Et puis, tout naturellement, je pense que comme tout adolescent, on s'intéresse à plein de choses. Et un jour, une histoire de dingue. On est invité aux 25 ans de l'entreprise de ma maman. Et pour le coup, ils avaient fait un grand concert. Il y avait même eu Annie Cordy qui était venue faire une scène. Non, mais la classe. Incroyable. Donc, génial. Autant vous dire que je ne pouvais pas louper donc, cet événement-là. Et je me retrouve comme ça devant une grande scène et je vois des mecs habillés cuir noir, banane. Et je me dis, oh, c'est extraordinaire, quoi. Ce qu'ils font, c'est beaux. Extraordinaire. Ils sont ouais. magnifiques, quoi. Et j'ai tout de suite accroché. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que quelques années après, quand j'ai commencé à faire du rockab sérieusement, je me suis retrouvée à jouer avec Sylvain, qui faisait partie de ces gens-là, que non. j'avais vu sur scène quand j'avais 14 ou 15 ans. Mais ça, c'est voilà. génial. Et c'est une super histoire. Et aujourd'hui, je joue avec lui et je me verrai plus... Enfin, je me verrai pas ne pas jouer avec lui, même... même dans un futur groupe, je ne me verrais pas jouer sans lui aujourd'hui. En fait. Ouais. D'accord. Et lui, pour moi, il fait partie de ma base. Quoi. Bah ouais. Et lui, il est à la contrebasse, c'est ça ? Exactement. Alors, c'est aussi un guitariste hors pair. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, si vous pouvez, sur des vidéos éventuellement sur YouTube ou Dailymotion. Alors, il a plusieurs groupes, hein. Les Falcons, dernièrement. Il a aussi donc Aline de Gators, hein. Je fais ma pub encore au passage. Bah, tu peux. Voilà, et il a aussi les Rockin' Bones Trio. Aussi. Donc, c'est que du rockabilly à chaque fois. C'est que du rockabilly. Okay. C'est que du rockabilly, ouais. Est-ce qu'il y a quand même des petites influences qui s'échappent dans chacun de ces groupes ? Par exemple, toi, ton groupe que t'as avec ce monsieur, c'est quoi l'influence principale ? Alors, l'influence, elle vient de beaucoup d'artistes. Énormément, ça peut venir d'un morceau que j'ai entendu il y a quelques mois. Tiens, j'ai envie de le reprendre parce que je précise que je fais que des reprises avec Aline de Gators. Ok. Donc, c'est vraiment un groupe de reprises. Exclusivement des reprises pour ce groupe-là. D'où aussi mon envie de vouloir avancer et de partir sur quelque chose en électrique avec de réels compos. Voilà, et recommencer de A à Z et créer vraiment un projet. Ok. Bah, peut-être qu'on peut en parler maintenant au final de ton projet. Oui. Donc déjà, de quoi est-ce qu'on pose ? C'est quoi les musiciens ? Qu'est-ce qu'il y a comme instrument ? Alors, dans un groupe de rockabilly, il y a toujours un instrument à laquelle on ne peut pas y déroger, c'est la contrebasse. La contrebasse. S'il n'y a pas de contrebasse, il n'y a pas de rockabilly. Après, on peut changer avec une basse, mais dans ce cas-là, on n'appelle plus ça du rockabilly. Ça peut être appelé du Teddy Boy, qui est une communauté anglaise. Alors, je ne sais pas si tu as vu avec tes recherches sur Internet. Non, j'ai pas les Teddy Boys, mais j'irai voir ça parce que... C'est du rock'n'roll. Okay. C'est du rock'n'roll. C'est sympa. Moi, le truc, c'est que j'ai quand même cette préférence pour la contrebasse, déjà. Ouais, c'est un très bel instrument. Et, ah bah ça. Et sur scène, à voir, c'est magnifique. Quoi. Ouais. La contrebasse, c'est un instrument, moi, je trouve, qui est un peu comme le violoncelle. Je trouve que c'est un instrument qui est très sexy. Je sais pas si on peut dire pourtant, ça. Pourtant, on appelle ça une grand-mère, pour information. Ah ouais. Et ouais. Contrebasse, on appelle ça une grand-mère. On appelle ça une grand-mère. Le violoncelle pour le côté aussi. Sexy. Mais pour le coup, moi, je trouve. Alors, d'accord. Donc, je viens clairement de dire que les grand-mères sont sexy. Voilà. C'est pas tu la peux t'allonger sur le divan et on va en dire. En fait, le 4/4 va finir en une PLS collective. Ça va être horrible. Non mais vraiment moi je trouve que c'est des instruments qui sont sexy dans le sens où ce sont des instruments comme tu disais tout à l'heure Étienne, les gamins une guitare ils ont envie déjà de la toucher de... Non c'était toi qui disais ça c'est Paul. Les formes. Non c'était Étienne. Non c'était Étienne je crois. Et pour le coup je trouve que ouais voilà oui, ça, c'est, dit ça, bien c'est, sûr. C'est des beaux instruments, c'est des instruments je trouve qui attirent. Redis-le encore. C'est des beaux instruments. C'est des beaux oui, instruments. Et ce sont de très très beaux instruments. Et pour le coup, je trouve que c'est très très beau de regarder un violoncelliste jouer, comme c'est très très beau de voir un contrebassiste jouer en fait. Je trouve, ouais, c'est des instruments qui sont sexy entre guillemets. Et peut-être que ce que tu trouves attirant dans ces instruments, c'est la violoncelliste peut-être. Finalement, c'était ça, juste ouais. Ça en vrai. Et c'est que surtout la contrebasse, par exemple, c'est un instrument qui se joue debout ou en tout cas à taille humaine. Oui, effectivement. Exactement, ouais. Et du coup, tu fais corps en fait avec l'instrument. Oui. Et ça développe aussi un spectre grave. Ouais. Ouais. Et ça, c'est pas rien aussi c'est parce pas que rien. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu rigoles ? Et ça, c'est pas rien. Et ça, c'est pas. Non, mais c'est vrai. C'est. Je veux dire, au-delà de la musique, il y a une sensation, une vibration que seules les basses, qui est physique en fait, peuvent te procurer en et fait. Et puis qui est physique. Donc et c'est vrai que tu vois quand tu vois des gars sur scène qui sont avec des violoncelles électriques là c'est bizarre en fait c'est très très bizarre ouais, c'est plus la même c'est plus aussi sexy ouais bah, bah, y a ouais. Plus le bois parlant, en ça, fait ça en perd du charme quoi c'est que visuellement parlant et puis ouais comme dit Étienne le bois en fait oui, tout simplement bois. La le vibration bois. Du bois aussi, ouais. Tout simplement bah, c'est un peu comme les groupes où là j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques mois de ça j'avais trouvé ça un petit peu choquant à Rouen quoi d'ailleurs pour le coup. Un groupe de rock. Alors, je les voyais jouer sur scène, mais il y avait quelque chose qui manquait. Et en regardant les gars sur scène, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas d'ampli, quoi. Ah ouais. Il n'y a pas d'ampli. Et les gars, ils ne jouent plus sur ampli. Et ne serait-ce que visuellement. Ça passe par un PC, machin. Et ne serait-ce que visuellement, bah, c'est pauvre, en fait. C'est extrêmement pauvre. Ouais, quoi. C'est très bizarre. Bah, c'est bête, mais de ne pas avoir un petit orange ou un petit Marshall à côté. Ah bah oui, toi, on est d'accord. Mais visuellement parlant, c'est. Mais tu t'en es rendu compte rien qu'à l'écoute, en fait. Oui, et bah puis. Ouais. en observant, je me disais, mais il y a un truc qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui... Pour le coup, si je peux me permettre un parallèle, moi, il y a un truc aussi qui me rend dingue, c'est les rappeurs qui maintenant rentrent sur scène sans DJ, sans beatmaker, sans un gars derrière, juste sans avec un backer, une bande, ouais. Et puis même un rappeur qui rentre sur scène avec une bande, fallait que tu la fasses celle-là. Bon. Des gens qui rentrent partout avec leur bande, alors ça va quoi, merde. Ouais, c'est bon. Il manquerait plus qu'il y ait un joueur de billard qui rentre avec une bande et là. À la vanne cosmique. C'est tout pour moi. Alors je serai à Angoulême le 17. T'es le Christ cosmique, fais gaffe. Ah ouais, le Christ cosmique, c'est incroyable. Mais vraiment, moi je trouve qu'il y a un côté très dérangeant de ne pas avoir. J'avais vu un gars qui faisait une première partie, c'était un petit gars du Havre, je sais plus c'est quoi son nom, qui avait fait la première partie de Cazet au Cabaret Électrique. Et le mec arrive sur scène, c'est une bande MP3 qui passe, et il a pas de backer, il a pas un mec derrière, même qui appuie sur play en fait, entre deux platines, on s'en fout. C'est juste, comme tu dis, visuellement, même si les amplis ne crachent rien, ils sont là. Voilà. En fait. Et c'est même pas, je pense. C'est même pas un respect, tu vois, un respect de l'esprit originel ou je sais pas quoi. J'aime pas trop ces trucs-là, mais ouais, effectivement, ça fait bizarre, quoi. Ça fait carrément bizarre de d'avoir moins d'intérêt pour ce qui se passe sur scène, étant donné que t'as juste un gars tout seul qui fait les 100 pas, finalement. Mmh. Oui. Moi, je suis pour le rap. Moi, ça me choque pas en fait, parce que enfin, je sais pas. À chaque fois que j'ai vu un rappeur dernièrement, ouais, voilà. Ça me choque moins. Moi aussi, parce que au final, c'est un peu le depuis que c'est plus du vinyle, en fait, il n'y a plus besoin de ces mecs-là. Ouais, c'est vrai. Mais après, moi, je trouve que les meilleurs soundtracks qu'il y a eu, c'est avec des mecs derrière aussi, tu vois, mais c'est du vinyle, quoi. Mais ouais, non, mais y a pour du le scratch, coup. Il y a du truc, quoi. Il y a un truc qui est analogique, oui, qui est grave. Chose, évidemment, il y a quelque chose de corporel. Maintenant, moi, personnellement, je trouve qu'il y a de très bonnes choses qui se fait. Et maintenant, sur scène, on voit beaucoup de gars qui viennent avec. Des mecs qui ont des claviers maîtres et des ordi en fait. Mais finalement c'est juste l'évolution de la musique, de comment on l'a fait, et je trouve qu'on fait des trucs formidables de cette façon là donc effectivement t'as plus le rapport charnel que t'as avec un vinyle, mais quand tu vois un mec sur scène qui est sur un Serato, toi de là où t'es dans le public, tu sais pas que c'est un Serato, mais t'as quand même un visuel, t'as quand même une gestuelle, t'as quand même tout ça. Et moi je trouve que même un mec qui est derrière deux platines CD, bah, t'as cette gestuelle, t'as ce truc-là. Après, il y a aussi quelque chose qui revient beaucoup, j'ai l'impression, dans le rap, c'est les instruments naturels, entre guillemets. Oui, c'est vrai. On voit de plus en plus des guitares qui arrivent sur scène, même des rappeurs qui jouent de la gratte, et je trouve ça cool. Mais si je peux comprendre que du coup, dans le rock... Dans le rock, c'est un peu... C'est moi, je suis désolée, excusez-moi pour le son. C'est pas grave, tout va bien. Oui, dans le rock, c'est un peu dommage parce que le rock, c'est aussi ça aussi. C'est quand tu vois des gars en concert, tu vois le mur d'ampli, tu vois les grattes qui crachent. Enfin, voilà, c'est aussi... Le tableau paraît vide quand voilà, il n'y a pas ça, quoi. Et visuellement, c'est pauvre. Et c'est vrai que ce groupe-là, ça m'avait fait drôle parce que autant que musicalement, c'était bon, mais visuellement... Moi, je ne savais pas regarder, concrètement. D'accord. Je savais pas regarder. Autant je suis franchement super d'accord avec vous, autant j'ai eu la même conversation, pareil, dans une émission de radio que j'avais fait avec Aransor, avec Jarwan, qui accompagnait... Jarwan, big up. C'est ça, qui accompagnait Anton pour une émission et que j'ai eu l'occasion d'interviewer, de rencontrer à ce moment-là. Et c'était un moment mortel parce que Jarwan a une culture musicale qui est juste scotchante. Jarwan, un beatmaker très très très fort de notre belle contrée du Havre. Du Serpat Crew. Et voilà, qui fait partie du Serpat Crew, qui a officié avec Acousmic, dont l'album d'ailleurs a été masterisé par un Logilo au top de sa forme. Pour le coup, Jarwan, c'est un gars... Du peu que j'ai parlé de musique avec lui, il met des claques. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un puits de sons incroyable. Enfin, du coup, j'ai hâte de savoir ce qui. Du ce coup, vous êtes dit. On parlait de l'opportunité d'avoir des musiciens sur scène dans le cadre du rap, du hip-hop, etc. Et il faisait lui le constat qu'il préférait les bandes et le mix par un DJ. Parce qu'il aimait cette compression et ce côté crade du son, en fait, qu'apportait la compression. Et qu'on peut difficilement reproduire avec une vraie batterie, un vrai bassiste, des guitares, des claviers, ce qu'on voulait. Voilà, lui, ce qui l'intéresse dans le son, c'est le crade, en fait. Et c'est extrêmement pertinent, en fait, de, comme réflexion, parce que finalement, tu vois, ça rejoint ce que je te disais, de la musique évolue. C'est et aujourd'hui, la musique, ça se fait sur ordinateur, et notamment pour une musique comme le hip-hop qui a basé beaucoup de ses codes sur le sampling. Oui, c'est exactement ça, c'est le sample, en fait. Ouais, c'est surtout pour le sample que c'est efficace. Bien sûr, oui. Et là, on parle que du sampling. Et comme Jarwan est un sampleur, forcément, il n'allait pas me renvoyer autre chose. C'est ça. Et en fait, et ça se tient carrément comme point de vue. Et ça se tient, et ça soutient aussi le fait que les mecs créent le truc sur ordinateur et leurs outils sont ceux-là, donc ils viennent sur scène avec ces outils-là. Tu vois, c'est plutôt c'est que d'avoir c'est que d'avoir des forceurs qui ont des platines qui sont pas branchées et qui lèvent juste les bras. Viens avec tes instruments à toi, et si tu dois faire un pain, fais un pain, parce que ça reste rock'n'roll à un moment donné. Mais il faut que ça reste du live, en fait. Moi, ce que... Exactement. Ça rejoint ce qu'on disait sur les Beatles tout à l'heure. Il faut que ça reste du live. Voilà, c'est ça. Et le problème que je pose, c'est... je sais pas si c'est toi, Hakim, qui m'avais montré une vidéo d'un putain de rappeur qui a un DJ derrière lui, qui a juste un ordinateur et qui bouge derrière son ordi comme ça. Enfin, vous pourrez pas le voir, vous. Qui fait des mouvements de va-et-vient. Voilà, de va-et-vient. Qui ne sert à rien d'autre. Et là, je trouve que c'est... juste inutile. Quoi. Ah, c'est la limite. Alors, mais qui peut le faire de la console, il n'y a aucun problème. Non, mais évidemment. Mais il y a, ce côté, comme disait Ali tout à l'heure, il manque les amplis. Tu vois ? Mais non, parce que le mec, il ne sert à rien de base. Mais autant, il serait en train de mixer juste, en live. Ouais, mais c'est juste visuel, en fait. C'est juste visuel. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais c'en est gênant, je trouve. Moi, je trouve qu'un mec qui rentre tout seul sur une scène nue, c'est archi bizarre qu'il n'y ait pas au moins un mec pour cliquer sur play. Et il y a même des groupes qui jouent là-dessus. Je me souviens d'avoir vu Carly Tekabok, con un DJ. Le gars, il appuie sur play et il croise les bras pendant tout le concert. Il ne bouge pas et c'est un effet comique du concert. D'accord. Tu vois, les mecs se foutent de ça et c'est très drôle. Maintenant, vraiment, un gars tout seul sur scène avec même pas un gars derrière un ordi qui s'enjaille, je trouve ça bizarre. En gros, si je comprends, le mec qui fait le mouvement derrière son ordi, c'est l'ampli Marshall qui, sur scène, ne servirait peut-être pas forcément à quelque chose pour un groupe de rock, mais qui est là pour le visuel. Quoi. Il y a un petit peu de ça. Maintenant, tu as quand même la plupart des gars qui font ça. Ils ont, tu vois, ils jouent live quand même à travers leur ordinateur, mais ils jouent live quand même, et c'est pour ça qu'il y a eu des Al Bolton live et des trucs comme ça. Donc, c'est surtout ça, c'est qu'on a des outils pour faire du live sur ordinateur. Exactement. Il y en a très peu qui les utilisent. Mais il faut quand même noter qu'il y en a beaucoup qui les utilisent. Mais il reste ce côté gestuel, parce qu'un DJ, il est là aussi pour ambiancer les gens, en fait. Et même si t'as pas toujours sur scène un cut killer ou un DJ Pone qui va mixer avec ses coudes et qui va faire des trucs incroyables. Quand même, quoi, ça fait de la présence sur scène, parce que même si tu vas je suis sûr qu'il y a des nénettes qui vont voir des placebos juste pour regarder le minois du chanteur. Il y a des gars qui bougent derrière, il y a un batteur qui tape derrière. Je trouve qu'un batteur, c'est super important dans un groupe de rock, de pouvoir voir le batteur, le batteur s'énerver. Tu vois, pour moi, le batteur, c'est un peu comme le DJ, en fait, du coup, dans le rap, c'est le gars qui va t'enjailler, parce que lui, il fait des mouvements amples, parce que voilà, quoi. Ok. Donc c'est ma vision de la chose. En live, la musique soit accompagnée d'une gestuelle autre que le musicien principal, qui est dans ce cas-là le rappeur, en fait. Dans le cas du rap, ouais. Et dans le cas et comme dans le cas du rock, dans le rock, t'enlèves le batteur. Le batteur, enfin, t'enlèves le batteur en passant une bande, tu vois, c'est pas possible. Ouais. Le DJ, c'est le squelette aussi. À la base, le MC vient dire des trucs au-dessus de la musique d'un DJ. Le DJ était là en premier. Ouais. Et c'est un squelette. C'est peut-être, comme tu dis, le côté ampli, le côté s'il n'y a pas ça, j'ai pas l'impression d'y être. Quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et tout à l'heure, on allait aborder, je sais pas si on l'a abordé, le sujet des rappeurs qui se remettaient à jouer avec des instruments, avec des vrais instruments, avec des vrais musiciens. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé qu'on parle d'Oxmo, en fait. Carrément. Oxmo, pour le coup, même déjà à l'époque, en 98-2000, il vient d'une autre planète, ce gars-là. Ouais. C'est juste un surdoué. Moi, je le considère pas comme un rappeur. Enfin, Oxmo, c'est juste un musicien, c'est juste un poète de génie. Et sauf qu'il fait tout ça de manière hip-hop, en fait. Et pour le coup, Oxmo, je suis pas sûr que ce soit tellement le bon exemple, en fait. Enfin, je me permets, mais je pense que c'est pas forcément le bon exemple pour parler de ça, étant donné que c'est un gars qui est déjà sur la Lune depuis très très longtemps. Là, moi, je pense plutôt à des gars qui débutent, qui n'ont pas forcément sorti beaucoup de choses, mais qui ont sorti des choses de qualité. Et je pense notamment à un gars que j'écoute beaucoup en ce moment, qui s'appelle A2H, et qui est sur scène, voilà, gratte, basse, machin. Et, il est tout seul. Et non, il est en groupe, quoi. Et ce qu'il fait, son rap est extrêmement actuel, en fait. Il est vraiment très, très, très actuel. Et il y a ça dedans, et ça déchire. T'as des groupes comme Big Buddha Cheese, qui sur scène ont même un choriste. Donc ils ont un gars qui fait guitare et basse suivant les morceaux, un DJ, ils sont deux MC, et t'as un gars et un ancien entre guillemets, tu vois, mais pas un gars de 30 ans, qui est là avec son bonnet, ses lunettes, et qui fait et ses lunettes noires, tu vois, et qui fait des pas des bacs mais des chœurs. Et tu vois, même limite, tu vois, il y a même un côté, tout à l'heure tu parlais de Monsieur Eddy, il y a même limite ce côté-là dans la façon dont le mec fait le cœur, tu vois, et okay. ça tue. Et les mecs, au contraire d'A2H, vont faire un rap très, très, très old school, enfin ce qu'on appelle ouais. old school, un peu l'âge 95-2000, tu vois, du rap, mais avec les mêmes moyens, quoi. Avec les mêmes moyens, d'accord. C'est moi, extrêmement intéressant à voir. Parce que je connais pas du tout, je serais curieuse. Je te passerai ça. Notez vraiment A2H moi. Et Big Buddha Cheese, c'est juste incroyable ce qu'ils font. Il faut les voir en live, en fait. Parce que justement, il y a ce truc-là, il y a des instruments sur scène et ça tue, même si au final, qu'il y ait des instruments ou pas sur scène, tant que la musique, elle est bonne. C'est cool. Enfin... Oui, comme dirait Jean-Jacques Goldman. Quand la musique est bonne. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, Étienne. Ben oui, mais c'est. Sauf que moi, j'allais le dire en chanson, figure-toi. Mais dommage. Et ben là, je peux rien faire. De toute façon, t'es la première dame du 4 quarts, donc ta parole prévaut et je ne peux rien dire. Mais rien à voir avec Daniel. Ah putain, tu m'as coupé l'herbe sous le pied à moi aussi. Je suis le roi. Vous pouvez rien faire. Étienne, il coupe l'herbe sous le pied, c'est un truc à de tout fou. Le monde. À tout le monde, hein. C'est pas de pitié pour chez les croissants. Chez vous faites une garden party, vous invitez Étienne. Il vous tombe le gazon, c'est incroyable. Ouais. Dorothée, si tu nous entends, pas de pitié pour les croissants. On peut peut-être passer sur un son et pour revenir sur un sujet après qu'on va déterminer pendant le son. Grave, ouais. Alors, on va se passer. Qu'est-ce qu'on se passe du coup? Ce que j'adore avec toi, Paul, c'est que le timing est juste parfait. On arrive à la demi-heure, à la seconde près. Mais franchement, ça, je peux rien dire. Et pour le coup, moi, j'ai à proposer sous les auspices de Paul, j'ai à proposer soit un Billy Riley, soit un Barbara Pittman. Je pense qu'on va. À ton avis, Ali, qu'est-ce qu'on s'écoute? C'est la première dame qui se prononce. Bah, ça va être du Barbara Pittman. I Need a Man de Barbara Pittman. Oh, génial, vous faites les lancements, vous êtes impeccable. Et j'ai pas le son, et franchement. Bah merde, c'est dommage parce que la transition était belle. Ouais, c'est moche. Hein. C'est un petit problème technique, un mais problème c'est pas grave. Technique. On est des cabatins, c'est le 4 quarts. C'est beau, quoi. C'est le live. Et le live arrive et le son est là. Ah, oh, mortel. Là. Merci d'écouter le 4 quarts, vous êtes adorable. Merci. parler du rap. C'était vachement bien. Et on a fini par un morceau de Rocab qui est chanté par une excellente dame. Et ça aussi, c'était vachement bien. On a commencé par le Rocab, on est passé par le rap, on a conclu avec le Rocab. Voilà. Et du coup, Étienne. Et bah, du coup, c'est la fin du 4 quarts. C'est la fin du 4 quarts. Franchement, et c'est abusé parce que c'était franchement. C'était vraiment bien. C'était un super moment. C'était un bon 4 quarts pur beurre, quoi. Grave, ouais. Gros fan. Enfin, c'est génial de faire ça. 4 ingrédients, il fallait pas beaucoup plus pour qu'on passe une bonne soirée. Enfin, moi, personnellement, j'ai kiffé, quoi. J'ai apprécié. Mais je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire ça aussi. Ouais. C'était une bonne première. On a passé un bon moment. C'était une bonne première. On a trouvé notre première dame en plus au passage. Et puis, c'est plutôt champ max. Hein. C'est bat. Moi, je trouve ça bat. C'est bat. Et c'est même tip top, si tu veux c'est mon avis. Top. Alors là, on peut plus rien faire. Tip top, c'est le haut du panier. Ouais, c'est ça. Bah, écoutez, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et moi, j'avais envie de rajouter, surtout, on espère que les gens qui nous ont écoutés, qui nous écoutent là tout de suite, ont passé un agréable moment comme nous. J'espère bien. Parce que c'est un peu pour ça qu'on le fait aussi. C'est pas juste un délire narcissique. Quand je te dis qu'on va tous finir en PLS. En tout cas, on se retrouve bientôt. Bah, on va essayer. Oui, on va se retrouver très vite, hein, puisque on va battre le fer tant qu'il est chaud. Exactement, il faut battre son frère tant qu'il est chaud. Tant qu'il est chaud, alors. Rien à voir avec les chauves, en tout cas, on te le souhaite. Merci. Bah écoutez, merci Paul de ton intervention sur le rockabilly qui est parti dans une conversation un peu plus profonde sur le rap. C'était fort agréable. Merci beaucoup de ta présence. Ben non, merci à toi. Mais je t'en prie, moi je n'y suis pour rien. Merci à nous. Merci à Kim, merci Ali et merci à vous, chers auditeurs. C'était le 4 quarts. On vous souhaite une excellente soirée. Et on va vous laisser tous les liens de toutes les références qu'on a pu citer. Et notamment les liens de chacun, parce que comme on va le rappeler, Ali a une activité musicale qui est en train de grandir. Donc on va vous mettre les liens des dates, des prochains concerts, tout ça. Yes. Les liens de Russian Princess, bah, ça on verra. Cool. Ouais. Moi, j'aimerais bien les voir. D'aller écouter ça, puis peut-être on va trouver quelque chose de mashup à se mettre sous la dent. Il y en aura. Et ça peut être agréable. Donc. Comment ? Bien sûr, oui. Alors Ali me demande si elle peut dire quelque chose. Oui, je pense parce que c'est pas interdit. Je voulais prévenir donc le futur arrivant, celui qui sera invité après moi, je lui conseille d'accepter grandement l'invitation. Oh super, que ça c'est agréable. Toi, tu as passé un putain de bon moment. toi, mon roi. Aussi, d'ailleurs. Et bah super, merci beaucoup Ali de ce conseil. Merci à vous trois en tout cas. Est-ce qu'on fait un bisou à nos mamans avant de partir? Oui, justement, c'est comme ça que je voulais conclure. Ah voilà. Putain, il a spoilé. je l'ai spoilé sans le savoir. Donc ce qu'on va faire, comme si on s'en souvenait pas, on dit 3, 4 et on repart. Ça marche, c'est okay. 3, 4, le tchoubiz et bonjour. À ta mère. À ta mère. Bisous maman. Bisous maman. Bisous maman. Allez, salut, c'était le 3 quarts. À la prochaine. Non, merci à vous. Le 3 quarts. C'était le 4 quarts. Et bah, tu sais quoi ? On refait 3-4. Fais le 3-4. T'es prêt ? Je pense qu'on va enregistrer l'émission en entier. Ouais, vas-y. C'était un coup d'essai. 3-4, le tchoubiz. Et bonjour. À ta mère. Bisous maman. C'était le 4 quarts. Merci à bisous, vous. Bisous maman. Et à bientôt. Bisous, bonne soirée. Bonne fin de journée. Salut. Salut.